Manif d'art 7, en collaboration avec CKRL, vous présente l'aérospatiale en direct de l'espace 400e Bell. Alors, samedi 3 mai, il est midi. Bienvenue à l'aérospatiale spéciale Manif d'art. Julie Gagné avec vous, qui est là jusqu'à 14 heures pour parler de cette biennale en art actuel, biennale, ma foi, fort, fort importante, majeure dans le paysage de l'art actuel québécois et canadien. Donc, ben voilà, aujourd'hui, l'émission de midi à 14 heures, on discute avec Claude Bélanger, directeur général et artistique de la Manif d'art, qui nous parlera de toutes sortes de choses entourant l'événement. Également, on discute avec la commissaire Vicky Chenet-Gagnon. On vous parlera d'expositions telles que celle de Clint Neufeld qui est présentée à Materia, également chronique sur l'art se trame en ville sous le commissariat d'Anne-Sophie Blanchet à la maison Amel Bruno. On discute avec Geneviève Chevalier autour de son installation Montboisé qui est présentée à la Chambre Blanche. Également, on parle avec Marie-France Légaré qui nous présentera son exposition La résistance à l'uniformisation qui est présentée chez Regard. On discute aussi avec Mathieu Dugal, premier porte-parole de la Manif d'art, donc de l'importance de l'événement et de son rôle, bien entendu, de porte-parole. Fanny Hénon-Lévy est venue faire un tour à l'espace 400e, donc pour voir l'exposition principale. Elle nous en parlera en dernière partie d'émission. Et puis, on discute aussi avec John Blouin, directeur artistique d'Antitube, qui présente une installation qui s'appelle Fracture, donc dans le studio d'essai de Méduse, et également une série de projections cinéma et engagement d'ici et d'ailleurs qui seront présentés les lundis à 19h30 au Café Babylone. Le tout sera entrecoupé des sélections de Simon Roy. Bonjour Simon. Salut Julie. Je t'ai confié le mandat de faire comme à l'émission régulière et de faire une sélection audio. Tu as décidé de présenter des artistes qui seront à la manif. Oui, c'est ça. C'est un événement qui va se passer au Cercle du 28 au 31 mai dans le sous-sol du Cercle. Donc, le commissaire, c'est Éric Dorion. Un artiste qui a déjà passé plusieurs fois à l'émission, qui a déjà été collaborateur également. Moi, je suis vraiment excité. Ça va être un espèce de gros buffet d'art audio. Ça arrive vraiment pas souvent. On va vraiment être gâtés. J'ai vraiment hâte. Voilà, donc on en écoutera tout au long de l'émission. Tu vas nous présenter les pièces qu'on va écouter. Et puis, ben, je me tourne à l'instant vers Claude Bélanger. On accueille à l'instant Claude Bélanger, directeur général et artistique de la Manif d'art. Bonjour. Bonjour. Claude Bélanger, on est le 3 mai. Ben oui. Hein? J'imagine que là, ça spinne pas mal. Hein? Ça va très vite. On est très heureux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. C'est vraiment la journée importante pour la Manif d'art. Alors, c'est une série de vernissages qui se produit, qui débute à Regard de 10h30 le matin. Alors, c'est superbe. Puis on continue. On a même des autobus, un petit autobus qui prend du monde puis qui nous amène un peu partout. Alors, on est très heureux de la journée. Alors, on fait le tour, on va voir chacune des activités. Pour ceux qui disent qu'il manque d'activités à Québec, faut pas les croire, non, c'est surtout, vraiment pas. Surtout pas en mai aux aujourd'hui. Deux ans, là, oui, assez chargé. Avec Claude Bélanger, cette année, vous avez confié le commissariat de la Manif d'art 7 à Vicky Chenet-Gagnon, qui a choisi comme thématique la résistance. Et puis, nous avons construit de nouvelles formes. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire appel à elle? Ben, l'idée, c'est que à chaque deux ans, juste en fin de l'autre manif, on doit déterminer tout de suite quel doit être le commissaire, la commissaire. Alors, moi, je fais un appel ciblé. J'aborde cinq commissaires. Je leur demande de me proposer une thématique. Puis, un certain nombre de noms d'artistes. Alors, cette thématique me semblait vraiment intéressante, était dans l'air du temps. Et aussi, les noms des artistes qu'elle me proposait étaient tout de même intrigants. Il y a des artistes que je connaissais pas. Puis, c'était pas, convenu dans le sens qu'elle proposait aussi une nouvelle approche au niveau des tables rondes, de l'animation. Il y avait une empreinte, il y avait un attachement au communautaire qui était intéressant. Alors, j'ai bien apprécié sa proposition. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Vicky Chenet-Gagnon, au lancement de la programmation au Musée national des beaux-arts du Québec, disait « ils ont osé ». Quand ils ont fait appel à moi, est-ce que vous trouvez que vous avez osé Encore aujourd'hui. Sa réflexion sur la résistance? Effectivement, encore aujourd'hui, je trouve qu'on a osé. Il y a encore des projets qui soulèvent certaines tensions, qui peuvent être un peu, qui graffignent un petit peu. Alors, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ces gens-là ont à nous apporter, qu'est-ce qui soulève comme questionnement. Il n'y a rien d'odieux. On est des adultes. On peut discuter. Alors, l'ensemble de ces propositions-là amène tout de même des points de vue intéressants, des façons de faire différentes. Alors, c'est un peu pour ça que ça donne vraiment de la substance à notre événement. Vous parlez justement, là, ça amène des réflexions. Vous disiez aussi l'approche de Vicky Chenet-Gagnon axée sur quelque chose de plus communautaire avec les discussions, les ateliers de hacking de vélo. Oui. Donc, tout ça, là, j'en passe. Là, il y en a beaucoup. C'est nouveau, ça, quand même, hein, dans la manif, autant accentué, je dirais. Ben oui, on a fait aussi appel à une autre personne qui est Yael Filipovic, qui nous a aidé à élaborer une série de programmations, justement, dans le communautaire et où dans les activités, table ronde, etc. Puis ça nous a aidé aussi. On connaissait vraiment nos forces, nos faiblesses par rapport à ça. Et c'était une chose qui nous semblait intéressante de faire. On avait déjà... On s'est aussi collé sur certains trucs. Par exemple, Bibliothèque Gabriel Leroy, on a des animations jeunesse sur place. Ouais. Et déjà, on a 740 réservations de fait. Alors, on est très, très, très heureux. Ça va très, très bien. On a une complicité avec le Musée de la Civilisation, le Musée national des Beaux-Arts. Alors, on est très, très heureux. Ça va très bien. Avant-hier, il y avait eu la présentation de au Musée Huron-Wendake. Ouais. Ça a été vraiment très apprécié. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On parle, du commissariat de Vicky Chenet-Gagnon, mais c'est, une très bonne partie de la manif. Hein. Je pense que c'est 35 artistes, c'est 20 lieux d'exposition, mais dans l'ensemble, la manif, c'est aussi 120 artistes, 35 lieux d'exposition. Oui. C'est vraiment, là, c'est le cas depuis les débuts. Hein, la manif envahit la ville. Mm-hmm. Envahit, j'aime pas le terme, mais la connotation. Mais là, on sent que c'est encore plus fort. C'est ça. En prenant davantage rapidement une commissaire, on a eu la possibilité avec le temps qui nous était donné de créer de connivence avec les lieux d'exposition, que ce soit Amel Bruno qui présente une superbe exposition avec un autre commissaire. On a choisi aussi des choses, une nouveauté, disons, cette année, c'est qu'on a amené d'autres commissaires. Ouais. Alors, pour Amel Bruno, c'est Anne-Sophie Blanchet. On a une commissaire, une très jeune commissaire qui est dans les bibliothèques. On a Guy Séouzurant au Musée Huron-Wendake. On a Éric Dorion qui fait une programmation musicale au Cercle. Alors, c'est musical. Je sais pas s'il aimerait ça. Audio sonore. D'accord. Oui, c'est ça, expérimentation sonore. Alors, c'est un peu ça. Ça nous a permis aussi de nous dégager, puis en même temps, d'amener des choses intéressantes partout dans toute la ville, et c'est quelque chose, au-delà même, Wendake et Regard. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de faire participer l'ensemble de la communauté dans ce sens-là. Puis j'imagine que ça enrichit la réflexion aussi, puisque les commissaires se sont pas collés complètement non plus à la thématique de Vicky Chenet-Gagnon. Non, c'est ça. L'arme se trame en ville, par exemple, à Maison Mel Bruno, ou encore en bibliothèque, là, c'est une autre réflexion. Oui. Éric Dorion, donc, guérilla, tous unis par le bruit. Oui, c'est ça. C'est important pour vous, justement, d'élargir un peu cette réflexion-là? Bien, je pense que chacun des commissaires l'a interprété à sa façon. Qu'on parle de Guy Séouzurant avec le mouvement Adèle No More, alors c'est intéressant aussi de présenter ce volet-là. C'est des réflexions qui viennent de l'extérieur, c'est des problématiques qui sont sous-jacentes souvent à la problématique principale, mais qui sont tout aussi d'intérêt, qui peuvent intéresser le public. Alors, je pense que c'est important de laisser cette thématique-là se laisser interpréter par d'autres commissaires et donner des résultats tout aussi intéressants, tout aussi particuliers. Oui. Là, on en est à la 7e édition. Claude Bélanger, vous êtes le fondateur, en fait, de la Manif. Si on vous avait mis là, en 2000, là, Mm-hmm. Et dire ça, ça continue jusqu'en 2014. Est-ce que vous imaginez ce que comme c'est aujourd'hui? Moi, il faut pas me laisser aller. j'ai des idées un peu de grandeur dans ce sens-là. C'est sûr que j'aime l'idée d'avoir un événement comme ça. Moi, je le vois encore grandir. Je le vois la possibilité d'intervenir davantage à l'extérieur. On a déjà 5 projets extérieurs cette année, puis j'aimerais ça qu'il y en ait davantage les années suivantes. Alors, moi, c'est... Quand on va dans les biennales extérieures, puis on voit, un, les budgets qu'ils ont, deux, la possibilité qu'ils ont d'attirer le public, alors il y a toujours possibilité d'améliorer le produit, puis d'en faire quelque chose d'un peu plus... un peu plus gros, un peu plus intéressant, puis même encore plus englobant par la population. OK, donc on n'a pas terminé réfléchir pour moi, à la manif. Là, non, c'est non, mouvant. C'est mouvant, oui. Parlant de mouvance, cette année, une nouveauté, un catalogue. Ben oui. Je sais pas, moi, quand j'assistais au lancement, je me suis dit, il me semble qu'il devrait y avoir un catalogue. Et là, vous avez annoncé ça. Ça devait faire un certain temps que vous deviez y rêver ou l'espérer. Ben, en s'y prenant un peu plus tôt, comme on l'a fait ces deux dernières années, ben justement en choisissant la commissaire plus bonheur, en s'inscrivant davantage dans un calendrier plus long, ben on a pu réaliser ce catalogue-là. C'est sûr que c'est un choix éditorial aussi de faire un catalogue. C'est sûr que des fois, il y a des œuvres qu'on a attendues jusqu'à la dernière minute pour avoir les photos. Ouais. Alors, il a fallu être assez vigilant, puis... Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Là. On est content, puis on l'a sorti le 2, alors c'est vraiment bien. Là. C'est vraiment très bien. Puis le catalogue, il y a vraiment un graphisme extraordinaire. Alors, des textes aussi, plusieurs auteurs, des contenus. C'est ça, c'est un public cible qu'on est allé chercher aussi. On est allé chercher des gens qui travaillaient, puis des textes qui n'avaient pas été traduits d'un côté comme de l'autre, ou même des auteurs qui sont rarement traduits en français pour l'un ou en anglais pour l'autre. Alors, c'est intéressant, c'est un public cible. On va aller chercher probablement des gens qui s'intéressent vraiment à ce phénomène-là de la résistance et qui puissent être abordés et mis... à la portée de tout le monde. Oui, quoi. Puis continuer la réflexion aussi là, qui est abordée dans la manif. Peut-être en terminant, une dernière question, des coups de cœur dans la programmation. Je sais que c'est un ou des, là, mais je sais que c'est toujours une colle de poser cette question-là, là, mais rapidement comme ça. Ben, l'espace 400e, il y a des superbes projets. On est très heureux des projets qui sont présentés là, bien sûr. Et aussi, Matériau qui a ouvert un peu avant tout le monde, qui nous a présenté les œuvres de Clint Neufeld. Alors, c'est vraiment impressionnant, là, juste au niveau de la céramique, l'utilisation qu'il en fait. Ouais, de démonter des moteurs. Oui, c'est ça. Puis même le propos qui est sous-jacent à ça, c'est intéressant sur la masculinité, etc. C'est vraiment bien. C'est dur de dire qu'il y en a un qu'on préfère parce que c'est comme tous nos enfants, là, mais c'est ça. On est très heureux de présenter l'ensemble de cette programmation-là. Voilà, donc on y va. On se fait notre propre sélection personnelle. Mm-hmm. Claude Bélanger, merci beaucoup. Merci. Donc, bon vernissage aujourd'hui. Merci. Je me tourne à l'instant vers Simon Roy. Simon Roy, qu'est-ce qu'on écoute? On va débuter par Kent Nagano. C'est un trio de Montréal. Ça donne surtout dans l'électronique. Je les avais déjà vus il y a un moment de ça au Festival Off. Moi, c'est une belle découverte. Musique assez planante, mystérieuse. Ce que je vous ai sélectionné, c'est un enregistrement live. Ça provient de la radio CECOT à Montréal. C'est leur Montreal Sessions. Donc, c'est un trio qui est formé d'Alexandre Saint-Onge, Jonathan Parent, puis Alexander Wilson. On écoute ça, c'est une pièce qui est sans titre, vous allez voir, vraiment intéressant. On est de retour à l'aérospatiale en direct de la Manif d'art. J'ai rencontré Vicky Chenet-Gagnon, qui n'était pas disponible aujourd'hui pour une entrevue, étant donné que c'est le parcours inaugural de la Manif d'art. Donc, le vernissage commençait à 10h45, se termine à 21h dans plusieurs endroits de la ville de Québec. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous avez envie d'y participer, vous pouvez aller sur le site manifdart.org, tout y est. Voilà, donc comme elle n'était pas là aujourd'hui, je me suis entretenue avec elle hier. Donc voilà, voilà ce dont on parlait. Vicky Chenet-Gagnon, vous êtes commissaire de la Manif d'art 7. Vous avez élaboré la thématique résistance et puis nous avons construit de nouvelles formes. C'est commencé. J'ai envie de poser la question, là, ça fait quoi, 2 ans que vous travaillez là-dessus? Oui. Après 2 ans, de voir enfin dans les centres d'artistes, de voir l'exposition centrale, de voir là, la forme que ça prend, quel effet ça fait? C'est majeur pour moi d'avoir réalisé ce boulot-là avec les artistes, avec les 36 artistes et l'incroyable équipe de la Manif d'art. Alors, je me sens très... Peut-être fébrile, touchée et éblouée par l'expérience. Puis de voir les œuvres auxquelles vous réfléchissez, le travail des artistes comme ça en contexte, j'imagine que ça donne une autre dimension aux idées que vous aviez en tête. Oui, en fait, je pense que je comprends maintenant c'est quoi ces nouvelles formes-là, là que je les vois en salle. Ouais. C'est ça en termes du concept de l'exposition. Je pense que ça clarifie pour moi. On sort de la brume et on rentre dans la réalité, là, le vrai contact avec les œuvres. Mais oui, c'est ça. Vous parlez des nouvelles formes, justement. C'est dans le titre, hein, Résistance. Et puis, nous avons construit de nouvelles formes. Mais j'avais la question, justement, c'est quoi ces nouvelles formes-là? Mais c'est pour moi, on parle beaucoup d'art engagé socialement en termes d'une pratique actuelle artistique. Et j'ai été beaucoup influencée par le livre de Nato Thompson, Living as Form, qui parle justement, c'est une grande exposition d'œuvres d'art engagées socialement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à la Manif d'art 7? C'est pas des œuvres qui sont nécessairement dans cette forme-là. Il y en a une ou deux, mais je pense que ces nouvelles formes-là, c'est vraiment une différente façon de penser l'art, de la vivre, d'avoir une expérience avec l'art. Je pense que les nouvelles formes, c'est une nouvelle façon de faire. Et la thématique, on parle des nouvelles formes, c'est la résistance également. Donc, c'est quelque chose à quoi vous... Je ne sais pas si la structure de ma phrase est bonne, mais à quoi vous réfléchissiez quand même là, depuis, je pense, 5-6 ans au moins? Oui, en fait, moi, j'ai travaillé comme directrice conservatrice d'une galerie d'art universitaire pendant 10 ans. Et j'ai beaucoup réfléchi au contexte néolibéral, en termes de l'éducation, comment l'éducation est en train de changer certaines activités qui se sont passées au Québec dans les dernières années, des manifestations autour de ces enjeux-là. Alors oui, ça fait déjà très longtemps que j'ai une posture assez engagée dans la façon de faire des expositions. Alors oui, je dirais que ça fait minimum 5 ans là, que je t'investis dans la politique et l'art. Donc, j'imagine que naturellement, c'est sous ce terrain-là que vous avez décidé d'aborder la manif. Oui, ça s'est imposé. Oui, c'est ça. J'ai proposé l'exposition et puis nous avons construit de nouvelles formes à Claude Bélanger. Et pour moi, qu'est-ce qui est important, c'était vraiment de réfléchir autour de cette notion de crise, de rupture et de prendre le temps de vivre cette politique-là et d'y réfléchir. Alors, je pense que cette temporalité-là fait déjà partie du titre. Mais oui, c'est ça. Puis parlant de temporalité, on la voit aussi là, dans les œuvres, entre autres des vidéos, des œuvres donc, qui ne s'appréhendent pas rapidement en un clin d'œil, là, où il faut prendre le temps justement de les expérimenter. Oui, en fait, il y a des œuvres vidéographiques de longue durée. Je pense entre autres au film de Chaudelat, les Russes qui se joignent à nous pour la Manif d'art 7. Leur film est de 45 minutes et présenté à l'œil de poisson en conversation avec une énorme sculpture magnifique. magnifique de Marc-Antoine Côté, un artiste de Québec. Alors oui, cette temporalité-là, elle est très importante pour moi, et c'est la raison pour laquelle on retrouve aussi beaucoup de performances, des pratiques vraiment corporelles, de longue haleine, entre autres Julie Andretté qui va faire une performance à ce l'espace. Soir, oui. Oui, c'est ça, ce soir, à l'espace 400e. Voyons, j'avais... Ah oui, c'est ça, vous parlez de temporalité. Je trouve que j'ai lu dans un article où vous dites « c'est porteur d'espoir, justement, cette temporalité-là, où les nouvelles formes, mm-hmm. quel espoir, vous avez, hein? » Moi, je pense que il y a des œuvres, par exemple, comme l'œuvre de Oliver Ressler dans la manif d'art 7, Take the Square, on prend le carré, qui porte vraiment sur comment le pouvoir est distribué, qu'est-ce que ça veut dire de s'organiser, comment est-ce qu'on le fait. Alors, très pédagogique, très pratico-pratique. Et je pense que cette notion de temporalité-là, elle est importante en termes de digérer les vrais enjeux. Alors, je voulais prendre le temps. Alors, il y a des œuvres dans la manif d'art 7 qui sont très accessibles, qui portent sur la représentation, sur la figure humaine, qui sont très porteurs d'une certaine réalité. Il y a d'autres œuvres plus conceptuelles, il y a d'autres œuvres qui prennent plus de temps. Et pour moi, cette conversation-là, elle est très importante et je souhaite vraiment activer un discours. Alors, je souhaite que le monde va prendre le temps de bien traverser cette exposition-ci. Vous parlez de conversation, justement, entre les œuvres. Vous souhaitez également, par le biais de différents événements ou activités de médiation, activer une conversation aussi, une réflexion oui. entre les gens. Ça, j'imagine que c'est vraiment majeur là, dans vos préoccupations. Oui, c'est très majeur. C'est la façon dont, dans laquelle je travaille. Je collabore avec des commissaires à l'éducation. Pour cette édition de la Manif d'Art 7, j'ai choisi de collaborer avec Yaël Filipovic, qui est une jeune commissaire en éducation. Et c'est elle, à travers nos conversations, qui a monté un programme de médiation culturelle très, très poussé. On peut retrouver des conversations avec des chercheurs, des activistes, des citoyens, autant que des ateliers sur comment hacker son vélo, un peu divorcé du contexte de l'art, mais je pense que la conversation sur la politique ne touche pas juste l'art, parce que l'art est tissé dans la réalité. Ouais. Alors, je voulais vraiment apporter des activités qui seraient porteurs d'un certain message rigoureux, qu'on puisse regarder ensemble, activer cette conversation-là. Des messages, en fait, qui portent, vous le disiez aussi, là, en entrevue sur le réel, là, parce que tout ça, c'est pas, c'est ancré finalement dans l'actualité, dans la société, etc. Oui, moi, je crois sincèrement que l'art est vraiment tissé dans le social. C'est qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est comment sortir comment activer ce point de vue-là. Alors oui, oui. Et l'idée de la résistance aussi, j'ai l'impression, bon, vous cherchez à sortir un peu hein, des institutions, même si vous en faites partie d'une certaine manière, ça aussi c'est un acte de résistance, hein, d'amener l'art dans la rue, de l'amener là où les gens sont finalement. Oui, en fait, il y a 5 projets extérieurs et 2 performances extérieures. Alors pour moi, cette sorte de sortir de l'institution, aller vers la population, vers le public, fait partie du message que j'essaie d'apporter à travers la Manif d'Art 7. Puis ça témoigne aussi comme d'une diversité de pratiques, de médiums, d'expériences. Hein? On a discuté ensemble déjà à l'aérospatiale il y a 2 semaines, je crois. Vous disiez que vous cherchiez à avoir plusieurs portes d'entrée finalement oui. Dans la manif. Oui, c'est très important pour moi parce que je pense quand on parle de résistance, ça peut être très compliqué, très dense. Alors, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'était vraiment d'avoir une variété de pratiques, multiples points d'entrée pour activer la conversation et rendre le tout le plus accessible possible. Alors, il y a des œuvres qui sont fortement conceptuelles dans l'exposition. Il y a d'autres œuvres qui utilisent des métaphores fortes, comme l'automobile en relation avec le marché boursier dans l'œuvre de Martin Bureau. Alors, je pense que c'est ça. Il y a plusieurs façons d'aborder la thématique et d'entrer en conversation avec des œuvres qui sont très différentes l'un de l'autre. Voyons, ah oui, c'est ça, parlant d'œuvres différentes, j'avais perdu le fil de ma réflexion. Vous avez choisi plusieurs artistes de Québec, hein. On en parle de Martin Bureau, Jean-Robert Drouillard, Alain Martin-Richard, bon, Richard Martel, j'en passe, des artistes canadiens, des artistes de l'international. C'est important pour vous, cet équilibre-là, dans la représentation, finalement, des artistes? Oui, absolument. Qu'est-ce qui était clé pour moi, c'était vraiment de créer un dialogue entre le contexte québécois et un contexte plus mondial. Alors, je pense que la présence, par exemple, de Claire Fontaine ou de Oliver Ressler qui vient de Vienne, Claire Fontaine vient de Paris, ça crée une dynamique d'échange, de réseautage pour les artistes. Parce que je pense qu'une biennale, c'est non seulement regarder des œuvres, c'est tout ce qui se passe autour de la conversation. Alors, l'opportunité, je pense, pour des artistes québécois de rentrer en contact avec des artistes de l'international, c'est aussi une partie de l'expérience pour eux. Je me rends compte aussi, j'ai parlé d'artistes québécois, mais j'ai nommé exclusivement des artistes de Québec. Ça aussi, il y en a beaucoup, hein, oui. Dans la programmation. J'imagine que c'est important d'ancrer localement la Biennale. La Manif d'art, c'est à Québec, donc on fait appel aux artistes de la ville. Oui, ça, c'était très important pour moi d'avoir une certaine représentation de Québec pour que, c'est ça, pour tisser des liens avec le local et de grandir le point de vue. Et dans les œuvres qui sont présentées, je parle au futur, on devrait parler au présent, parmi tout ça, donc il y a des œuvres qui existaient, que vous avez déjà sélectionnées, mais il y a également des exclusivités, donc des créations pour la manif. Oui, en fait, il y a une magnifique installation de One Ortiz Appui qui s'appelle This Sleep Full of Folded Dreams, ce sommeil plein de rêves pliés, qu'on présente à l'espace 400e Bell, qui était essentiellement une commande. Je voulais travailler avec cet artiste depuis longue date et voilà, une opportunité s'est réalisée pour nous de travailler ensemble et de réaliser, c'est ça, One a réalisé une nouvelle œuvre qui est simplement, il faut absolument aller voir, c'est à la fin du parcours de l'espace 400e Bell. Il y a Alain Martin-Richard également là, qui présente le bloc que j'habite, donc une manœuvre qui a été faite aussi pour la manif. C'est possible de nous en parler un peu? Oui, cette œuvre-ci, le bloc que j'habite d'Alain Martin-Richard, porte sur des personnes qui habitent dans un contexte, c'est ça, sur la rue Charest, dans un bloc. Et qu'est-ce que Alain Martin a fait? C'est il y a offert un tableau avec un détecteur de mouvement. Et qu'est-ce qu'on voit en salle à l'espace 400e Bell? C'est vraiment l'activation, le mouvement présent, vivant de le monde qui habite dans le bloc, qui active une citation de Guy Debord qui porte sur la société du spectacle. Alors, il y a aussi un élément sonore à cette œuvre-là qu'on peut on peut faire l'expérience, mais je dirais que c'est une œuvre, c'est ça qui est simplement impressionnant. Ouais, hein, oui, l'ampleur du travail aussi, c'est là, ça. Du contact avec les gens qui habitent. Voilà, et je pense que ça vient vraiment toucher cette notion que l'art est tissé dans une certaine réalité sociale. Je pense à travers le travail ou les manœuvres d'Alain Martin-Richard, on sent vraiment son implication en termes de la communauté ici à Québec, et je suis très, très fière de non seulement travailler avec lui, mais de présenter cette œuvre-là. Peut-être en terminant, une ou deux autres œuvres que vous avez envie de nous présenter, de mettre de l'avant, ou des coups de cœur personnels, hein, même si c'est vous qui avez fait la sélection. Oh, c'est très dur. Colle, hein? J'aime tous les projets. C'est sûr, je pourrais parler longuement sur chaque artiste qui participe à la Biennale. Mais je pense entre autres au projet de Gisela Manteia à la Galerie des arts visuels à l'Université Laval, une installation in situ qui porte sur le carré rouge à ne pas manquer. Il faut absolument aller voir ce travail incroyable là. Aussi à la Chambre blanche, il y a un projet de Geneviève Chevalier qui est fort intéressant, qui porte sur les boisés, qui se nomme Mon boisé. qui porte sur le développement en contexte urbain des boisés en ville. Alors, très, très intéressant, une pratique qui est très riche avec des éléments d'archives et de documents. Je pense qu'on peut beaucoup comprendre que les espaces publics sont très menacés à travers le projet de Geneviève Chevalier. Et non, j'ai dit en terminant tout à l'heure, là j'y vais avec un en terminant. Pour vrai, Vicky Chenet-Gagnon, donc vous avez fait une sélection quoi d'une une trentaine d'artistes. 36, oui. Donc exposition dans 20 lieux, mais la manif s'étend au-delà de ça. Donc oui. D'autres commissaires, d'autres événements, oui. Activités satellites. Quel regard vous portez sur le reste, finalement, de l'ensemble de cette programmation-là? Bien, je trouve ça vraiment excitant, tu sais, d'avoir d'autres commissaires, d'autres jeunes commissaires qui interprètent cette thématique-là que j'ai développée. Alors, je pense que c'est une conversation et je suis très contente d'avoir cette conversation-là avec d'autres chercheurs, d'autres personnes qui pensent art et politique. Voilà. Bien, Vicky Chenet-Gagnon, commissaire de la Manif d'Art 7, merci beaucoup. Merci à toi. Manif d'Art 7, en collaboration avec CKRL, vous présente l'aérospatiale en direct de l'espace 400e Bell. Des nouvelles? Non. Inquiète-toi pas pour moi, Jim. J'espère juste qu'il va revenir. Faites-vous-en pas, Kate, il va revenir. On en revient tous. D'une drôle de façon, on a tous notre étoile. Celle de notre honnêteté. Je pense pas qu'il soit allé bien loin. Il voulait probablement juste être tout seul pour regarder son étoile s'éteindre. En attendant qu'il revienne. Ils étaient tous mes fils d'Arthur Miller. Dans une mise en scène d'Edith Patnaud au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Du 4 au 9 mai, 19h30, 10 $ adultes, 5 $ étudiants. Pour information, 418-643-9833. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h30 et la fin de semaine de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Les productions Limoilou en vrac et Première Ovation Musique vous présentent l'événement Rendez-vous musical, première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5 $, incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. À force d'attendre après quelque chose que tu reçois jamais, c'est super souffrant. Fait que c'était, mais c'était de dire on se détache de ça justement sans frustration ou sans avec une certaine paix. Car on ne peut pas rester. Soif d'une heure vient. Elle avance à pas lents. Chloé Lacasse à Sentier Secret, mardi 6 mai à 10h. Manif d'Art 7, en collaboration avec CKRL, vous présente l'aérospatiale en direct de l'espace 400e Bell. On est de retour à l'aérospatial, le spécial le Manif d'art. Je l'ai gagné toujours avec vous jusqu'à 14 heures. Je suis allée faire un tour cette semaine à la Galerie Materia pour voir le travail de Clint Neufeld, cet artiste originaire de la Saskatchewan, qui présente 4 pièces, One Yellow Rose, Pink 350, Left for George, Trailer Queen, donc jusqu'au 25 mai. Donc, comme je disais, Clint Neufeld, artiste originaire de la Saskatchewan, c'est un sculpteur qui produit des moteurs de voitures, des transmissions et autres composantes mécaniques en céramique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre ces pièces automobiles-là, va les démonter, faire le moulage de chacune des pièces pour ensuite les remonter, puis donc les faire cuire, bien entendu, puis après ça, avec une glaçure très, très, très lustrée, en fait, qui donne un aspect assez particulier à ces formes mécaniques-là. C'est une exploration qui poursuit quand même depuis un certain temps, qui demande aussi une grande précision, une finesse, je dirais même la finesse d'un chirurgien, parce qu'il faut, après qu'il ait désassemblé les moteurs, qu'il ait fait le moulage, après il réassemble le tout, donc pour créer ces œuvres qui exposent sur des fauteuils, sur des genres de tabourets victoriens, ou donc qui font penser à des styles au nom de roi. Les moteurs également, donc en faïence, avec des couleurs claires, je pense qu'il y en a une rose, une verte très, très pastel, sur lesquelles il ajoute des motifs floraux d'une grande délicatesse. Et ça, ça fait assez particulier parce que, d'une part, il y a le moteur qui fait très, très masculin, univers mâle par excellence, en fait, que celui des voitures. Puis ces couleurs-là, ces glaçures-là, très lustrées avec les fleurs, qui ajoutent vraiment une dimension féminine aux œuvres que l'on voit et qui ajoutent, en fait, une distance à la séparation entre la fonction du moteur, qui est habituellement un objet usuel, et l'œuvre d'art qu'il devient lorsque reproduit en céramique. Parallèlement aussi, les couleurs, le matériau, bon, c'est un peu ce qu'on associe au set de thé à l'anglaise. Et tout ça fait que les œuvres deviennent des objets de contemplation et de beauté qui sont quand même assez étranges, qui rappellent un peu l'esthétique du rococo et qui, comme je le disais, présentées donc sur des meubles d'un environnement domestique, sont exposées comme si c'était des fines porcelaines. Il y a ce travail aussi sur l'identité masculine, comme je le disais tout à l'heure, hein, le moteur univers mâle, ce sont surtout des moteurs, des carburateurs, etc., donc qui proviennent de voitures qui datent des années 50-60. Et là, quand il parle de son travail, Clint Neufeld, il raconte toujours l'anecdote où quand il était plus jeune, il travaillait en mécanique avec son grand-père. C'était un travail qui se faisait vraiment en silence, il contemplait les pièces, les réparait et tout ça. Puis après, dans le fond, il lui lavait les mains à la gasoline, et ça semble l'avoir vraiment beaucoup marqué. Il semble marqué aussi par cette époque, justement, des années 50-60, où, peut-être la masculinité était peut-être plus évidente qu'actuellement. Une époque aussi où donc la voiture prenait beaucoup de place. Elle en prend également encore beaucoup, mais d'une autre manière. On s'imagine aussi le spectateur devient un peu comme ces hommes-là qui travaillaient ensemble sur des voitures et qui éventuellement s'arrêtaient, regardaient le travail à faire. On se sent un peu comme ça, mais plutôt que d'avoir un objet utilitaire qu'on observe pour voir comment le réassembler ou comment le réparer, on a un objet de contemplation qui est esthétique. En même temps, en altérant la matérialité de ces moteurs-là, donc en changeant la nature, c'est comme s'il faisait une subversion dans le caractère masculin, puis qu'il enlevait des connotations comme objet culturel plus signifiant. C'est comme s'il faisait l'union aussi de clichés féminins et masculins qui réunit dans une œuvre, mais qui témoigne, dans tous les cas, d'une nostalgie d'époque plus révolue, hein, cette espèce d'image donc du moteur ou encore du set de thé. On imagine, dans mon cas, j'imagine plutôt mes grands-parents là, dans cette nature-là, tout en jouant sur un détournement. Le moteur, habituellement, c'est un objet usuel qui est caché, qu'on voit pas, qui sert à quelque chose. Et là, en le reproduisant puis en le mettant comme objet de contemplation, on lui montre la beauté, en fait, de cet objet-là, mais aussi, il détourne cet objet usuel, devient objet de contemplation. Il détourne également une certaine fonction fonction de la céramique qui peut créer des objets utilitaires. Et là, ben, c'est un objet utilitaire, mais qui ne peut pas être utilisé par le biais de la céramique. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. En même temps, les œuvres placées sur des socles non conventionnels, hein, comme je parlais, il y a un canapé, par exemple, nous donnent l'impression d'être des portraits de gens, en fait, tu sais, le fait de disposer comme ça nous montre la différence de chacun et dépendamment de sur quel objet il est posé, ça donne l'impression de voir des traits de personnalité, des aspirations également. On dirait même parfois des nus. Il y a comme ce référent-là à l'histoire de l'art aussi qui est présent. Donc, c'est vraiment une belle expérience d'aller voir ça. L'exposition est complétée par une série de 3 boîtes lumineuses qui sont présentées dans des cadres dorés, donc Engine Block, Carburetor et Crankshaft, donc qui reproduisent chacun ce qu'on voit sur le titre. Donc, il reprend l'imagerie des sculptures qui vient compléter là, ce qu'on voit en céramique. Donc, c'est vraiment une exposition fort intéressante que je recommande vraiment beaucoup pour l'objet de beauté, pour le caractère particulier. Je souligne en même temps l'éclairage là, qui donne un caractère vraiment précieux à ces œuvres de Clint Neufeld, donc qui sont présentées à Materia jusqu'au 25 mai. Un peu plus loin en ville, à la Maison Amel Bruno, parmi les événements satellites, il y a l'exposition « L'art se trame en ville ». Donc, une exposition dans le commissariat a été effectuée par Anne-Sophie Blanchet, qui rassemble des œuvres de Cine, Charles-Frédéric Ouellette, de Doyon Rivet, du collectif Acapulco et de Myriam Lambert, donc c'est à la Maison Amel Bruno, jusqu'au 15 juin. C'est une deuxième collaboration pour Anne-Sophie Blanchet, puisqu'elle avait été commissaire pour Transfert, donc les 4 expositions qu'il y avait dans les bibliothèques de Québec à la Manif d'Arcis. Donc, elle a été invitée à nouveau à faire un commissariat, dans ce cas-ci à la Maison Amel Bruno. Donc, l'exposition se veut un événement autonome, mais qui possède des échos avec l'exposition centrale. La ville, pourquoi la ville? Ben parce que la Manif d'Art s'inscrit dans la ville de Québec, parce que la Maison Amel Bruno, c'est également un lieu donc qui est géré par la Ville de Québec, puis aussi parce que il y a plusieurs artistes qui s'intéressent à cette thématique-là. Cine et Charles-Frédéric Ouellette vont appréhender la ville comme un territoire à explorer. Myriam Lambert voit la ville comme un lieu de pouvoir et de négociation où vont s'exercer plus des jeux de pouvoir. Acapulco, Doyon Rivet, donc qui vont nous présenter la condition humaine définie d'un point de vue social et relationnel. C'est vraiment une exposition fort intéressante. J'ai particulièrement les propositions ont toutes leur intérêt, mais j'ai particulièrement apprécié la proposition du collectif Acapulco. Acapulco, c'est Aspiration lourde, où on voit une sorte de bétonnière en train de remplir un carré de béton. Et au mur, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit comme des mains avec le pouce dans les airs qui nous rappellent les j'aime sur Facebook. Donc, le lien avec les réseaux sociaux aussi à la ville qui peut s'incarner dans d'autres types de lieux. Donc, eux se sont penchés aussi sur les chantiers de construction pour interroger les processus de construction d'identité, justement, dans une société marquée par les réseaux sociaux. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler davantage, mais je vais céder la parole à Simon Roy qui va nous présenter la prochaine pièce qu'on va entendre. Donc, oui, ben c'est ça. On rappelle que c'est dans le cadre de l'événement qui va se passer au Cercle du 28 au 31 mai. C'est Guérilla unie par le bruit, donc, du commissaire Éric Dorion. La prochaine pièce, c'est Erin Sexton qui crée ses propres machines. Donc, c'est des trucs électroniques, puis elle produit sa musique à partir de ça. La pièce, c'est une pièce sans titre. Donc, elle a pris un aquarium, puis il y a une réaction chimique qui se fait dans l'aquarium, puis donc elle rentre comme des fils dans l'aquarium, puis c'est un peu généré au hasard de la réaction chimique. Donc, c'est toujours des trucs intéressants d'Erin Sexton. Je crois qu'il faut être sur place, faut voir, parce que juste de façon audio, c'est un petit peu difficile à comprendre. C'est vraiment intéressant de la voir avec sa table. C'est toujours rempli de fils, de toutes sortes, une espèce de bordel électronique. Puis elle réussit à nous sortir des sons de là. C'est toujours intéressant. Donc, c'est ça, c'est une pièce sans titre. Thank you. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale spéciale Manif d'art. J'accueille à l'instant Geneviève Chevalier. Bonjour. Geneviève, tu présentes Montboisé à la Chambre Blanche. Oui. Tu t'intéresses d'ailleurs au boisé urbain depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a amené cet intérêt-là hein, pour les boisés? Ça fait quelques années, oui. J'avais déjà fait un projet à Montréal sur parce que j'habitais dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, puis j'avais fait un projet sur l'histoire agricole du quartier, en fait, juste en regardant comme la trame de développement urbain dans le quartier qui est vraiment comme une grille. Puis c'est ça, en fait, il y avait des maisons qui étaient orientées différemment, puis en fait, c'est des anciennes fermes, en fait, qu'on remarque pas vraiment, là, mais puis aussi, c'est ça, il y avait tout le melon de Montréal et tout ça, donc j'avais fait un projet là-dessus, puis ensuite, quand j'ai quitté Montréal, je me suis installée à côté du Mont Harford, puis c'était au moment où le gouvernement essayait comme de démanteler une partie de ce parc-là pour faire des condos. Le gros scandale là, avec Jean Charest et tout ça. Oui, là. C'est ça. Donc, c'est ça, moi, j'avais fait un projet là-dessus, en fait, un peu en regardant parce qu'il y avait eu une organisation citoyenne vraiment intéressante, là, des gens de toute allégeance politique qui s'étaient mobilisés pendant plusieurs années pour contrer ce projet-là, puis ils ont réussi. Puis c'est ça, puis là, ensuite, c'est ça, on remarque depuis plusieurs années un peu partout, là, c'est ça, là, l'espèce de phénomène où des boisés urbains se font grignoter pour différentes raisons. Puis c'est ça, j'avais remarqué à Montréal, il y avait Saint-Bruno, Québec, donc j'ai un peu décidé de sélectionner des cas spécifiques pour le projet, en fait. Oui, c'est ça, là, tu parles justement le Mont-Saint-Bruno, il y a le Mont-Royal, puis il y a Sillery ici à Québec. Pourquoi justement ces boisés-là plus que d'autres? Mais c'est sûr que j'aurais probablement pu en choisir d'autres parce qu'il y a tellement d'exemples au Québec, mais aussi ailleurs, en fait. Sillery, on voyait beaucoup ça dans les médias au moment où j'ai commencé à travailler sur le projet. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est des zones, toutes sortes d'environnements différents, en fait, des cimetières, des anciennes communautés religieuses, des micro-boisés. Donc, je trouvais ça intéressant comme cette diversité-là. Puis ça rentre aussi dans l'idée du patrimoine. C'est pas juste des boisés, c'est aussi le patrimoine. Puis il y a toutes sortes d'associations qui travaillent autour de ça pour préserver les sites, donc des sociétés d'histoire. Donc, tout ça, ça m'intéressait. Puis toute la dynamique des jeux de pouvoir qui s'installent entre les politiciens, les promoteurs, les citoyens. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Le Mont-Royal, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Toutes les anciennes institutions qui sont dans le site patrimonial du Mont-Royal vont être vidées dans les prochaines années. Ah ouais? Ça a déjà commencé, entre autres à cause du CHUM. Tu sais, les hôpitaux comme le Royal Victoria, l'Hôtel-Dieu, tout ça va être vidé, puis il n'y a même pas de plan de match. Donc, ça, c'est un peu louche, selon moi, qu'il n'y ait pas de plan de match officiel. Parce que il y a comme un agenda à quelque part en dessous. C'est hein? ça, parce que en fait, il y a quelque chose qui s'est passé récemment. C'est un très grand site qui est comme au sud-ouest de la montagne. C'est l'ancien séminaire des prêtres sulpiciens qui a comme passé au privé. Maintenant, ils font des condos. Même alors que le Conseil du patrimoine, toutes les recommandations allaient dans le sens de garder ça au moins une institution pour que les gens aient accès au site parce qu'il y a une magnifique forêt. Là, le promoteur a mis des barbelés à Westmount. Des barbelés à Westmount, croyez-le ou non. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des exemples comme ça. Puis à Saint-Bruno, c'était assez hallucinant aussi. Sur YouTube, on pouvait voir les assemblées municipales où la police était là. Le maire pouvait demander à un policier de sortir quelqu'un quand les questions qui était posée plaisait pas. Donc, tout ça, je trouvais que ça touche vraiment la démocratie à un moment donné, comment les choses se passent. Là. Donc, moi, ça m'avait comme interpellée. Puis ça montre aussi que les citoyens qui s'engagent dans cette lutte-là partent avec beaucoup moins d'atouts que les gens contre qui ils luttent. Oui, parce que souvent, les promoteurs ont un accès direct aux politiciens, ce que les citoyens n'ont pas. Souvent, les gens qui défendent les boisés, on leur refuse carrément l'accès aux politiciens. On ne veut pas les rencontrer, alors que c'est pas ce qui se passe de l'autre côté, là. C'est ça. Et ça, en fait, ce dont on parle, tu as bien pris soin de l'écrire sur des cartels, au mur, donc de donner ces informations-là. J'imagine que c'est important pour toi aussi, au-delà de l'installation puis des œuvres, du caractère esthétique, en fait, vraiment de susciter cette réflexion-là. Bien, je me suis dit, il y a des gens qui sont peut-être juste intéressés à regarder, c'est ça, il y a une espèce de caméra obscura, il y a des projections vidéo, il y a des photographies. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vont venir puis ils peuvent juste regarder ces œuvres-là sans nécessairement lire les cartels. cartel, puis ils vont quand même apprécier, puis ils peuvent voir quelque chose d'autre. Je me suis dit, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent lire qu'est-ce qui est au mur. Puis s'il y en a qui veulent en savoir encore plus, il y a comme des espèces de dossiers, il y a comme un petit poste de recherche. Ouais. Donc, les gens peuvent comme vraiment consulter des trucs que j'ai mis, des articles de presse. Donc, s'asseoir à la chaise, s'installer oui, à la ça, table. C'est ça. Donc, ça dépend, je pense, de ce que les gens ont envie de savoir ou de vivre comme expérience. Mais c'est intéressant aussi parce que ce petit poste de recherche-là donne l'impression, quand on y va, que tu vas revenir. Oui. Et que tu vas continuer tes recherches. On dirait vraiment comme un espace de travail, là. Ouais, ben comme c'est un, un espace d'enquête aussi, même. Oui, mais c'est un peu ça l'idée, en fait. Puis aussi, c'est que la Chambre Blanche, c'est un centre où il y a souvent des résidences d'artistes. Donc, ouais. C'est ça, je vais revenir à différents moments pour continuer parce que j'ai fait des rencontres. Donc, ça va se poursuivre là, pendant le mois de la manif. Donc, il y a cet aspect-là. Tu parlais tout à l'heure de photographies, donc, qui sont disposées hein, sur deux murs, là, ouais. En coin. Moi, j'appelle ça comme une sorte de bande, là, ouais. de photographies, où là, tu ouais. travailles des superpositions d'images. Mm-hmm. On peut voir la superposition d'un boisé avec une clôture. Il y a même une pancarte qui semble être une pancarte électorale oui, ou quelque oui. chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une temporalité là-dedans? Parce qu'on a l'impression de voir différents moments de chacun de ces endroits-là. Oui, c'est une réflexion intéressante. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est vrai que ça se déroule dans le temps. Puis, comme par exemple la pancarte électorale, c'est que dans l'exposition, il y a une conversation que les gens peuvent oui. écouter que j'ai eue avec Marie-Lou Allary, qui est une citoyenne de Saint-Bruno qui fait partie d'une association citoyenne pour la défense du boisé là-bas, la forêt des Hirondelles. Puis elle a fait le saut en politique carrément avec d'autres de ses collègues. Puis ils ont été élus, ils ont remporté les élections. Ah. Ah ouais. Puis c'est ça, moi, quand je l'ai rencontrée, elle installait sa pancarte. Donc, c'était comme le début là, de la course pour la mairie puis tout ça. Donc, c'est ça. Ben je trouvais ça intéressant de jouer avec les superpositions d'images, justement pour montrer comme peut-être un peu comme la complexité de tous ces cas-là, de toutes... il y a plusieurs acteurs qui ont différents intérêts, donc peut-être un peu pour montrer là, comme la densité peut-être de tout ce qui se passe. La densité des démarches aussi, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, je parlais de temporalité, mais je trouve qu'il y a comme cet espoir. Tu sais, les clôtures, il y a ci, il y a ça, ouais. mais derrière, il est là le boisé. Tu sais, oui. puis on a comme l'espoir qui demeure finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est ça. Moi, en faisant le projet, en faisant les recherches, en me rendant sur les sites. Moi, j'adore la forêt, donc c'est vraiment quelque chose aussi, je pense, qui ressort dans l'exposition, oui. là, le fait que les plantes fonctionnent sur une autre échelle de temps que la nôtre. Ils ont une histoire qui est souvent très, très étendue. Il y a des arbres qui ont des plusieurs centaines d'années que j'ai photographiées. Il y a tout ça aussi, comme le monde de la forêt qu'on perd de plus en plus dans les villes. On dirait qu'on veut pas avoir ça autour de nous, alors qu'on sait, comme scientifiquement, la forêt fait du bien aux gens. Ça enlève le stress, ça rend heureux. Donc, oui, sans compter les arbres et l'importance mais c'est ça, d'oxygène. C'est ça, oui, oui. D'ailleurs, tu parles d'arbres. Il y a une grande projection hein, sur le mur du fond qui nous présente donc des cimes d'arbres mm-hmm. Aux couleurs, je dirais quand même assez là, éclatantes, un peu, ouais. Un peu saturées. Ça s'appelle la timidité des arbres. Et là, oui. tu attires notre attention sur un phénomène ouais. qu'on connaît pas, puis qu'on mm-hmm. avait peut-être même pas remarqué, qui est ce qu'on appelle la fente de timidité des arbres d'une même espèce. Oui, ben. En fait, c'est un phénomène qui a été observé dans les années 70 en Australie pour la première fois. Il y a un scientifique qui avait remarqué ça. Quand des arbres d'une même espèce poussent, ben c'est pas pour toutes les espèces, mais quand des arbres d'une même espèce poussent un à côté de l'autre, il y a comme un genre de la croissance s'arrête en fait pour puis ça il y a comme une fente en fait qui reste entre les arbres, donc les arbres se touchent pas pour pas en fait nuire, les individus se nuisent pas les uns les autres en fait quand c'est la même espèce, donc puis c'est ça, ce boisé là c'est le boisé qui est justement maintenant entouré de barbelés là à Westmount, puis donc c'est toutes des érables, puis c'est ça, en promenant là tout à coup j'ai remarqué, c'est vraiment frappant quand même, puis en fait on comprend pas, les scientifiques comprennent pas comment ça fonctionne exactement, ils savent que c'est des molécules. Les arbres communiquent par molécules. Puis de plus en plus, on se rend compte que la plupart des plantes communiquent entre elles, mais ça, on ne sait pas trop comment ça marche. À la limite, on peut voir ça comme un modèle à espérer atteindre, en ouais. fait, tu sais, cette zone de timidité-là, puis de, ouais. de respect, finalement, ouais, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, ça peut donner comme une sorte de métaphore, là, de manière de vivre, peut-être en société. Ouais. Puis il y a aussi, tu en as parlé tout à l'heure, un grand bois. Tu sais, j'ai de la difficulté à le décrire parce que c'est comme une maquette. maquette à l'intérieur, une maquette de forêt. Oui, c'est que tu as comme éclairé et que tu projettes sur une sorte d'écran un peu mi-opaque, en tout cas, je ne sais pas quel terme. Puis là, on voit comme l'ombre de cette forêt-là par un processus de caméra obscura, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment le principe de la caméra obscura, sauf que normalement, une caméra obscura, c'est juste un petit trou. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de lumière, puis là, l'image est projetée, c'est ça, sur une surface. Mais ça, en fait, c'est que moi, j'ai démonté des objectifs d'appareils photo un peu désuets, là, disons-le, puis j'ai récupéré les lentilles, puis là, je les ai installés à différents selon la distance focale et tout ça. Donc ça fait que l'image est projetée sur la surface vitrée là, qui est installée à même. Ça devient comme une sorte de projecteur artisanal ou quelque chose comme ça. C'est vraiment beau, hein? Il y a quelque chose de poétique, je trouve, dans cette image-là, parce qu'à la fois on a l'impression de la forêt qui disparaît, mais qui apparaît. Ouais. En même temps, il y a comme un côté fantomatique. Oui, c'est ça qui me plaisait un peu, comme le. Il y a quelque chose de mystérieux, on dirait, dans l'image, qui est. Ouais, moi aussi j'aimais bien le qu'est-ce que ça faisait comme effet là sur l'écran. Ouais. Voilà, ben Geneviève Chevalier, je te remercie. Merci à toi. Donc je me tourne je veux juste annoncer le Boisé s'est présenté à la Chambre Blanche donc jusqu'au 1er juin, ça veut dire qu'on a peut-être des chances de te croiser en cours de mois pendant notre visite. Oui, tout à fait, je vais repasser de temps en temps. Voilà, donc on espère que ça arrivera. Je me tourne vers Simon Roy, qu'est-ce qu'on écoute? Ça va être Steve Bates, c'est la pièce Tout, c'est un artiste de Montréal, ça vient de son Simon, je m'excuse, on s'en va en pause. Voilà, je suis désolée. Vous avez envie de faire de la radio et de partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est le temps de nous faire parvenir vos projets d'émission pour la saison estivale. Juin, juillet, août et un petit peu de septembre. Prenez le contrôle des ondes à chaque semaine. Proposez une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire dans la section « Proposer une émission ». La date limite est le 4 mai prochain. Des milliers de personnes sont atteintes de maladies rénales au Québec. Malheureusement, la maladie est en croissance et chaque année, on diagnostique plus de 1000 nouveaux cas. Afin d'aider concrètement ces personnes qui souffrent et promouvoir le don d'organes, la marche de la Fondation canadienne du Rhin aura lieu le 25 mai prochain dans plusieurs villes du Québec. Joignez-vous à nous et ensemble, marchons pour la vie. Pour plus de détails, rhin.ca/marche-québec ou le 1-800-565-4515. Le 30e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 15 au 18 mai 2014. Au programme, Meredith Monk, Gros Menet, René Lucier, Colin Stetson, Sarah Neufeld, Fred Fritt, Evan Parker et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts et un circuit d'installation sonore dans l'espace public. Informations et billetterie sur le site fimav.qc.ca. Le 30e FIMAV, une édition historique. Tous les dimanches dès 15h, l'émission Les Oreilles Ailleurs vous est offerte par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Avec une cuisine aux saveurs d'ailleurs, ouverte sur tous les horizons du monde, ses soirées musicales thématiques, ses mardis swing et ses concerts découvertes du samedi. Le Café Babylone, laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Le Tam-Tam Café, situé au coin Charest et Langelier dans le quartier Saint-Roch, est un restaurant d'économie solidaire et sociale ouvert dès 10h du mardi au vendredi. Plateau du centre Jacques-Cartier, le Tam-Tam accueille les jeunes qui concoctent des menus simples et savoureux dans un cadre de formation et de mise en action. Du mercredi au vendredi soir dès 19h, le restaurant se transforme en salle de spectacle innovante, émergente, où l'on y découvre l'expérimentation culturelle sous toutes ses formes. Le Tam-Tam est aussi un resto qui offre des cafés solidaires, initiative qui consiste à payer un café au suivant. Venir manger ou assister à un spectacle au Tam-Tam, c'est découvrir et connaître le centre Jacques-Cartier. Du mardi au vendredi dès 10h du matin, tamtamcafé.org. Manif d'Art 7, en collaboration avec CKRL, vous présente l'aérospatiale en direct de l'espace 400e Bell. Il est 13h, on est de retour à l'aérospatiale spéciale Manif d'art, donc ici à l'espace 400e, on s'entretient au sujet de la Manif d'art 7, résistance, et puis nous avons construit de nouvelles formes. Oh là là, ça va pas bien, j'oublie les titres. Je vous invite à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com si vous voulez écouter l'émission en balado-diffusion, avoir aussi donc les informations sur l'univers des arts visuels, etc. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Je me tourne à l'instant vers John Blouin, programmateur chez Antitube. Bonjour. Oui, bonjour. John, tu viens nous parler de, je dirais, deux éléments, disons-le, en lien avec la manif d'art. Tout d'abord, l'installation Fracture, oui, qui est présenté par Épopée, donc groupe d'action en cinéma. C'est deux films, Insurgence et Rupture, au Studio d'essai. Peux-tu nous les présenter? Oui, ben en fait, c'est une installation faite à partir de ces films-là. C'était deux films qui avaient leur vie distincte, mais ils l'ont travaillé à sortir un peu de la salle de cinéma, puis penser à une façon de les présenter pour amener les gens qui voient ça à sentir qu'est-ce qui se passait là, à mettre une touche d'intimité aussi dans la parole, dans le regard. C'est vraiment de sortir le cinéma du cinéma pour amener l'image à nous faire penser autrement. Oui, oui, c'est ça, effectivement. D'ailleurs, si on parle des deux films qui sont présentés, donc dans Insurgence, on a des images, des manifestations, hein, sans trame narrative. Je pense que c'est tout simplement donc un montage d'images qui ont été prises par les membres du collectif. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est un montage qui a été fait de main de maître. En fait, là, c'est très subtil comme montage qu'il y a eu. C'est les gens du collectif qui ont pris les images, mais ils n'ont pas pris les images de loin. Ils n'ont pas pris des images avec des zooms, je crois. Ouais. Ils ont pris des images dans les manifestations. Ils ont pris les images au travers des masques à gaz. Ils ont reçu des coups aussi. Ils ont reçu du gaz en pleine face. Ils ont été là où est-ce que ça se passait. Puis des fois, ils prenaient du recul pour voir qu'est-ce qui se passait un peu de loin. Fait qu'ils ont été touchés à plein d'endroits des manifestations. Puis c'est ça qui défile. Ça avait été présenté en tant que film, mais rough cut pendant les FNC. C'était à l'Impérial, puis c'était extraordinaire de voir les gens, pas juste regarder, mais se sentir interpellés. Revivre à nouveau ce moment-là, interpeller l'écran, se reconnaître, chanter des chansons pendant que tu vas voir un film. C'est des choses qui pouvaient exister à, je dirais, là, plusieurs années, avoir des réactions comme ça. Par exemple, ça existe encore dans certains endroits reculés où le cinéma, c'est un art où tu sens ton corps, tu sens ta parole vouloir sortir, pas juste un endroit où est-ce que tu perds la parole, tu perds un corps, puis tu deviens passif. Puis c'est un peu de cette façon-là qu'ils ont travaillé l'installation Fracture pour justement ressentir ça. T'arrives, c'est devant un grand mur, t'es debout à peu près à la même hauteur des gens qui manifestent, fait que veux pas, t'as un lien direct avec l'image. Puis t'es pas passif aussi, tu sais, moi, cette idée d'être debout, déjà, c'est pas assis juste à recevoir. Exactement. Il y a comme une tension, en fait, dans le fait d'être debout, je trouve. Puis en même temps, si on va avec l'idée même de résistance, c'est l'idée d'être debout devant quelque chose, c'est de penser avec cette chose-là, avec cette tension-là qui habite l'espace. Puis cette tension-là, il y a des liens directs avec tes propres tensions internes. Oui, effectivement. Puis quand on regarde, en fait, Insurgence, donc on a ce sentiment-là ou cette implication-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui accentue cette dimension-là, c'est le fait que, bon, à au verso, en fait, de cet écran-là, on a le film Rupture, où là, on a des témoignages, hein, de gens donc qui ont été plus assez impliqués dans les manifestations étudiantes. Oui, happés par la vague, on pourrait dire. Puis on les entend aussi. On entend la clameur donc des manifestations, mais on entend ces individualités-là qu'on voit pas encore. Exactement. Pendant qu'on regarde les images de manifestations. Puis je pense que c'est là que cette œuvre-là prend sa grandeur. C'est que d'un côté, il y a l'idée d'anonymat de la foule. Il y a l'idée d'être ensemble, de faire un, mais au travers de ces uns-là, il y a des paroles individuelles, il y a des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont pensé ça. Puis de l'autre côté, il y a un banc. Là, on peut s'asseoir, on peut rentrer dans l'intimité de ces gens-là qui ont été marqués soit physiquement, mentalement, émotivement par ce qui s'est passé. Puis les deux se répondent. Je trouve que les deux se répondent. Il y a comme un pont qui se fait dans les deux côtés du mur. Ben pendant qu'on écoute leur témoignage, aussi on entend la clameur de la manifestation. Exactement. Donc c'est comme si c'était en fond, dans leur tête, on dirait. Oui, c'est vrai. Dans ce côté-là, on dirait qu'on rentre à la fois dans leur tête, mais dans leur mémoire aussi, dans leurs souvenirs. Puis c'est là que ça devient. Pas deux films qu'on projette de façon traditionnelle, mais c'est là que ça devient une installation cinématographique. Dans l'interaction, finalement, entre les deux, qui est vraiment omniprésente, même si on regarde un ou l'autre. Puis, ce que j'aime avec le collectif Épopée, c'est... géométrie variable, mais c'est des gens qui viennent du cinéma, c'est des gens qui mangent du cinéma, c'est des gens qui sont des résistants, chacun à leur façon. C'est des gens aussi qui attendent pas après les chaînes pour pouvoir créer. Quand c'est le temps de créer, ils créent, ils se mettent ensemble, ils prennent leur force. Puis c'est pour ça qu'ils ont créé ce collectif-là, Épopée. C'est en se mettant ensemble, en pensant ensemble, en mettant les égos de côté, chose qui est pas toujours facile, qu'ils réussissent à porter un projet puis rendre le projet plus fort. Ben oui, puis ils n'hésitent pas non plus à transformer les projets. Là, je pense qu'ils se sont réunis au départ pour le documentaire Homme à louer, donc qui présente un regard sur les travailleurs du sexe masculin, la consommation et tout ça, quelque chose de base qu'on voit pas souvent. Oui. Ils n'ont pas hésité à faire comme des fictions là-dessus, des installations, puis ils ont vraiment là transformé la chose. Ben c'est Homme à louer, c'est un film de Rodrigue Jean. Ça a été, je dirais, le départ de ce qui s'en venait avec Épopée. Cet écho-là a formé Épopée, a fait ils ont fait des films, des courts-métrages avec l'État du monde, qui pensaient justement avec les gens de la rue, avec les gens qui consommaient, qui se prostituaient, de trouver une façon que le cinéma devienne une voix, leur voix, au lieu d'être une voix de côté qui essaie de regarder. Puis ça prend beaucoup d'humilité d'une part, puis beaucoup de courage le faire. Oui, effectivement. Et tu parles de justement que le cinéma devienne leur voix. J'ai vraiment cette impression-là, à la fois dans Insurgence et dans Rupture. Ne serait-ce que par, tu parlais d'un montage là, vraiment très, très fin, très habile, mais même dans Rupture aussi, ce qu'on voit, ce sont des assez gros plans, hein, des personnes donc qui sont là, qui parlent devant un mur blanc. Oui, exactement. Et il y a très, très peu de montage. Tu sais, habituellement, quand on voit des documentaires, des entrevues, donc on peut soit entendre l'intervieweur ou ça coupe, puis là, ben, tu sais, pour la fluidité, alors que là, vraiment, là, c'est la personne qui est là avec son flot de pensée. Avec son flot de pensée, avec ses erreurs, avec ses doutes aussi. Quand tu fais juste aller chercher les clips de quelqu'un qui parle, ben, tu vois pas la pensée se faire, tu vois pas la réflexion se faire avec la parole, tandis que là, en gardant un montage totalement minimal, tu vois cette pensée-là éclore puis jaillir. Puis finalement, comme tu disais tantôt, laisser place aux gens complètement plutôt que, comme cinéaste peut-être, de se mettre un peu plus l'avant par des effets de style. Oui, exactement. C'est dans ce cas-là, avec Épopée, je trouve que résister, c'est être ensemble aussi. Ouais. Puis c'est un peu de cette façon-là qu'on a travaillé la diffusion. On s'est dit comment on ferait pour arriver à bien placer cette installation-là, cet événement-là, ben on l'a fait avec la manif, on l'a fait avec Recto Verso, fait qu'on s'est mis tout le monde ensemble pour réussir à trouver le bon carré de sable pour que cette œuvre-là puisse avoir une voix, justement. Ben ça fonctionne très bien, je l'ai dit, John Blouin. Peut-être en terminant, tu as monté aussi une programmation pour cinéma et engagement d'ici et ailleurs, donc une série qui a déjà eu lieu l'an dernier, mais là, vraiment, vous avez axé, ben, c'est sûr, la thématique était directement en lien avec la résistance, la manif, donc c'est les lundis à 19h30 au Café Babylone. Peux-tu nous en parler rapidement? On a été chercher des bijoux de résistance au cinéma. On a été chercher, par exemple, Portrait of a Resistance avec Carole Condé et Carl Beveridge, c'est qui sont dans le film. Soit dit en passant, c'est des artistes qui vont être disponibles après la projection, puis qui ont des œuvres qui sont diffusées durant la manif. Parce que l'idée, comme je viens de dire, l'idée, c'est de se servir du cinéma pour amener une parole, pour penser, pas juste arriver, puis c'est un petit écran où est-ce qu'on met de la lumière qui bouge. C'est sentir le mouvement interne que ça donne, puis amener une réflexion. Et chaque soir, il va y avoir, tous les lundis, il va y avoir Deep State. C'est un film qui est plutôt, il était expérimental. Là, on va aller chercher vers autre chose. Il va y avoir David Bernatchez qui va être là pour parler. Il va y avoir Mathieu Houle-Courcel pour Un seul de mes deux yeux. Avi Mograbi, c'est un film incroyable. Je suis juste content de pouvoir avoir le privilège de projeter ce film-là. Il va y avoir Paul Warren qui va être là, c'est un ancien professeur retraité, il est critique de cinéma, il est essayiste, fait que on va se servir des gens sur place pour parler ensemble. Ça sera pas un cours magistral, là, ça c'est certain. Puis on finit ça avec le steak de Falardeau, puis Manon Leriche. Manon Leriche, elle va être là. Ce film, le steak sur un boxeur, Gaétan Hart, il y a plusieurs types de résistance, puis chaque film essaie d'aller toucher à ces types de résistance-là. Voilà. Ben John Blouin, programmateur chez Antitube, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Donc, on peut aller voir Fracture d'Épopée, groupe d'action en cinéma au studio d'essai à Médieu jusqu'au 18 mai. Puis, on se rend au Café Babylone les lundis de la manif à 19h30 pour cinéma et engagement d'ici et d'ailleurs. C'est maintenant le temps d'une pause audio. Simon? On va faire jouer un peu de Steve Bates. C'est sa pièce tout tirée de l'album Dead Sand. Donc, ça va être présenté le 31 mai à 19h30 dans le sous-sol du Cercle, dans l'événement donc Guérilla, uni par le bruit. C'est Steve Bates. Souvent, c'est des installations qui ont rapport au milieu où est-ce qu'il se trouve. Donc, j'ai absolument aucune idée qu'est-ce qu'il va faire dans le sous-sol du Cercle. Ça va être, je pense, une belle... Une surprise, hein? Oui, c'est ça, une belle découverte. J'invite les gens, d'ailleurs, à venir faire un tour du 28 au 31 mai dans le sous-sol du Cercle. Les soirées débutent à 19h, puis il y a des projections de Dominique Gagnon. Donc, pour faire des découvertes sonores, des environnements complètement déroutants, je pense. Et parce que leur audio se vit en direct aussi. Oui, hein? C'est ça. Je présente des pièces, mais je pense qu'il faut vraiment être sur place parce que c'est jamais des instruments traditionnels. Je crois qu'il faut vraiment être sur place pour comprendre. Il y a des belles découvertes à faire. Voilà. En attendant, on en écoute un extrait. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale, spéciale Manif d'art. Julie Gagné, toujours avec vous jusqu'à 14h. Hier également, je vous disais, aujourd'hui, c'est les vernissages. Hein, c'est le grand parcours inaugural qui a lieu jusqu'à 21h pour la Manif d'art 7. Donc, Mathieu Dugal, je l'ai rencontré hier, puisqu'aujourd'hui, il anime la sphère. Donc, ce journaliste de talent a le don d'ubiquité. Donc, on peut l'entendre en deux endroits différents, mais on va écouter, c'est le porte-parole de la Manif d'Arcet, donc on va écouter ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Mathieu Dugal, t'es le premier porte-parole de la Manif d'art. Mm-hmm. Comment t'as réagi quand t'as proposé cette occasion-là? Ben en fait, quand on m'a proposé ça, c'est drôle parce que ça m'a fait une espèce de gros voyage dans le temps parce que c'est une des premières choses que j'ai couvertes quand je suis arrivé ici à Québec. Je suis arrivé à la fin des années 90. J'ai commencé à travailler à CKRL en 2001. Puis avant ça, j'étais au Voir. Puis moi, je me souviens que parmi les premières activités culturelles qui m'ont vraiment frappé quand je suis arrivé, ça a été les premières manifs. Donc, j'ai suivi ça vraiment depuis le début. Puis je me souviens même de l'effervescence qu'il y avait autour de ça, qu'il y a toujours autour de ça. Mais c'est intéressant justement de voir que c'est un événement aussi qui se poursuit dans le temps puis qui est toujours aussi vivant puis qui a su se renouveler. Donc c'était vraiment un gros honneur pour moi de pouvoir apporter ma petite contribution au succès de cet événement-là, surtout que j'y avais participé justement à CKRL. Comme je le disais, on avait fait des émissions spéciales dans le temps. Moi, c'était mon émission qui était le retour à la maison. Ouais. Qui s'appelait Retour d'ascenseur, qu'on avait fait. On avait fait des émissions spéciales de là-bas. Comme dans le cas ici, finalement. Ben exactement, c'est ça. C'est le fun de voir que CKRL aussi est un beau partenaire encore de la manif. Puis, puis c'est ça, ben c'est un beau retour en arrière. Puis en même temps, ben c'est chouette de voir qu'on puisse appuyer un événement qui est toujours aussi vivant après tout ce temps-là. Puis qui prend de l'ampleur aussi. Ben c'est ça, ouais. Non, c'est vraiment chouette. Puis tu sais, c'est des événements d'art contemporain. Ça court pas nécessairement les rues. Des événements d'art contemporain d'envergure aussi comme la manif non plus. Puis c'est intéressant parce que ça permet de faire un lien aussi entre l'art d'ici puis l'art d'ailleurs parce qu'on a vraiment une belle représentation des artistes de Québec, mais on a aussi, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Bref, non, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Là, fait que j'ai dit oui pour... Je pense que ça a pris 5 secondes. Ah ouais, après un petit cri d'excitation, ouais, un petit saut sur place. Mathieu Dugal, je pense que t'étais déjà, avant même peut-être de couvrir la manif ou d'en être le porte-parole, t'es très intéressé aussi là, par l'art actuel. Ah non, vraiment. Puis tu sais, l'art actuel, c'est quelque chose... C'est sûr que moi, dans mon mandat, ce que je fais actuellement, tu sais, je suis à RTV Studio puis je suis à la Sphère. Fait que tu sais, c'est drôle parce que je couvre à la fois des aspects numériques de l'art puis des aspects, disons, plus classiques de l'art, mais moi c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je connais plein d'artistes, que ce soit ici ou à Montréal ou même à l'extérieur, tu sais, qui sont là-dedans. Puis je trouve que malheureusement il y a encore toujours un peu d'étiquette qui est accolée à cet art-là, mais la manif, à mon avis, contribue beaucoup à rendre ça vraiment plus accessible. Bon, hier, je parlais justement pour RTV Studio, on a fait un reportage pour l'émission, puis je parlais avec Martin Bureau, puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas plus loin des préjugés que tu peux avoir par rapport à l'art contemporain que Martin Bureau, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est vraiment génial. Il est éloquent, c'est ça, puis tu sais, accessible, c'est un mot qui est un mot valise qui, des fois, est mal employé parce que ça veut dire que t'as peut-être pas grand-chose à dire, mais dans le cas de Martin Bureau et dans le cas de des artistes qui sont ici à la manif, je pense que ça le mot vraiment est pas galvaudé là. Puis tu sais, c'est des gens qui ont des démarches vraiment super pointues, vraiment brillantes, éloquentes, puis en même temps sont capables vraiment de rendre ça, de faire le lien, hein, entre le langage plus précis, le langage pour les pairs, puis le langage grand public. Fait que ça, c'est vraiment une des grandes forces des artistes qui sont ici pour cette manif-là. Tu parles justement de lien entre le langage des artistes puis le grand public. Mm-hmm. Cette année, il y a une dimension qui est vraiment accentuée par rapport aux autres années. Ça a toujours été présent, mais cette année, Vicky Chenet-Gagnon a vraiment mis l'accent sur la médiation. Oui. Donc, j'imagine que toi, Mathieu Dugal, comme journaliste, comme quelqu'un qui s'intéresse au domaine, tu dois être content de cet aspect-là. Ben c'est le fun pour nous, les gens qui travaillons dans le milieu des médias, la question de la médiation, mais je pense que c'est encore plus important pour les gens qui vont venir voir la manif. Parce que dans le fond, nous, on a toujours la chance d'avoir une médiation de luxe. Parce que quand on couvre des expos, on a accès aux commissaires, on va toujours aller faire des visites avant tout le monde. Fait que ça, cette médiation-là, dans le fond, nous autres, on est vraiment chanceux parce qu'on l'a tout le temps. Le grand public, c'est une autre chose, tu sais. C'est pas nécessairement évident. C'est sûr que, tu sais, si tu vas voir une exposition de Monet dans un grand musée, ben, tu vas peut-être en avoir un peu moins besoin parce que c'est comme, ça fait tellement partie de nos ouais. images mentales depuis longtemps que c'est peut-être plus facile d'avoir un contact avec ça, mais quand c'est des œuvres justement comme celles qui sont présentées à la manif, ben d'avoir cette médiation-là, comme par exemple à l'espace 400e durant toute la manif, il va y avoir des guides, les gens vont pouvoir justement poser des questions puis se faire expliquer des trucs, parce que c'est sûr que des œuvres qui se livrent peut-être moins d'emblée, quoique. Pour les avoir vus avant hier, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est, ça fesse là, l'expo à l'espace 400e qui est un des aspects de cette manif là. Fait que oui, c'est super important. Puis je pense que la clé est vraiment là-dedans, parce que dans le fond, je pense que c'est tu peux avoir les choses les plus compliquées à dire puis les plus complexes à dire, puis ça vaut pour n'importe quel domaine, que ce soit en politique, que ce soit en science. Si t'es capable d'avoir un bon vulgarisateur, si t'es capable d'avoir quelqu'un qui va vraiment faire ce lien-là entre le langage savant puis le langage grand public, je pense que tu peux presque présenter n'importe quoi, tu sais. Puis c'est ça qui est important, d'avoir des gens qui sont là pour faire cette médiation-là. Puis je pense que c'est d'autant plus important que aujourd'hui, justement, l'art contemporain, on n'a pas toujours la chance. En fait, c'est rare qu'on ait la chance d'avoir cette médiation-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, mm-hmm. ou même dans les expositions en général où on présente ça. Mais t'agis un peu toi-même comme médiateur à titre de porte-parole ouais. de la manif. T'as d'ailleurs réalisé 5 reportages mm-hmm. qui sont diffusés sur ouais. le site de Radio-Canada. Ouais. C'était ton initiative? Mais ça, c'est une entente de Radio-Canada avec la manif. En tant que porte-parole, ben ils m'ont demandé de faire ça, puis moi je trouve ça super intéressant parce que c'est rare, premièrement, qu'on a la chance quand on est intervieweur de faire des entrevues aussi longues avec des artistes, parce qu'on on fait des petites clipettes de 2 secondes, puis on met ça dans un bulletin de nouvelles. Puis là, ben là, c'était quoi, des entrevues de 10-15 minutes qu'on a monté environ 2 minutes, 2-3 minutes de reportage. Puis c'est chouette parce que justement, je pense que ça permet de voir toute la fourchette des types de pratiques qui sont présentées dans cette manif-là. Tu sais, quand on parle le type d'œuvre, par exemple, je parlais de Martin Bureau tout à l'heure, ou encore Jean-Robert Drouillard, on n'est pas du tout dans les mêmes choses, mais en même temps, tu sais, c'est vraiment du monde qui sont très grandés, très branchés Québec, puis on est vraiment dans des pratiques qui sont super fécondes, puis on est vraiment, c'est aussi des gens qui sont des bons porte-parole d'eux-mêmes, tu sais, ouais. c'est pas gênant de les montrer, puis c'est des gens qui ont vraiment comme une manière de présenter leurs œuvres qui est chouette. Puis, tu sais, d'être animateur et de faire des entrevues avec du monde de même, c'est comme du bonbon. Là. Ah oui, vraiment, parce mm-hmm. qu'ils en viennent à anticiper les questions. Oui, ouais, vraiment. Là, c'était un super beau. On a fait une journée de tournage pour ça, puis tu sais, on a vraiment eu du fun fou. Là. Les reportages, donc, c'est Martin Bureau, Jean-Robert Drouillard, Geneviève Chevalier, oui. Alain-Martin Richard et les fermières obsédées. Mm-hmm. Donc, il y en a 5. J'imagine ouais. que ça a dû être difficile. Là, faire la sélection. Ben là, c'est pas moi qui a fait la sélection, ça c'est la manif qui s'est occupée okay. qui s'est occupée de ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est le fun parce que ils ont vraiment voulu ratisser large là. Tu sais, quand on regarde par exemple l'univers de Geneviève Chevalier par rapport aux fermières obsédées, là c'est deux approches complètement différentes. C'est ça, quand on parle de Martin Bureau puis de Jean-Robert Drouillard, c'est encore là deux approches vraiment super différentes. Fait que c'est le fun parce que ça donne un bon coup de sonde sur les ouais. différentes pratiques, même si ça n'embrasse pas tout ce qui est présenté là, mais en même temps, ça montre que, tu sais, c'est pas tout le monde qui approche l'art de la même manière. Dis-moi, là, on a parlé des reportages, on a parlé de quelques artistes. T'as vu, justement, ouais. l'exposition. As-tu des coups de cœur des artistes qui t'ont marqué un peu plus ou dont la réflexion t'a amené un peu plus loin? Ben moi j'avais bien hâte d'avoir l'œuvre de Martin Bureau qui était présentée. D'ailleurs c'est très drôle parce que son œuvre, Martin Bureau, tu sais, moi ça fait longtemps que je le ouais. suis, Martin, puis tu sais, sa pratique est tellement éclectique, tu sais, il va faire des affaires vraiment super grand public, puis là il va faire des trucs plus conceptuels, il fait du documentaire, il fait vraiment des super bons documentaires. Puis là il est vraiment comme à cheval sur plusieurs pratiques là-dedans, puis il est allé dans une espèce de festival de show Boucan à Saint-Cyprien, ça s'appelle Saint-Cyprien Toasté. Puis c'est intéressant parce qu'il est allé faire une espèce de détournement en filmant des automobiles, donc qui font littéralement des bangs dans une espèce d'arène délimitée par des blocs de béton. Puis là, le monde va voir ça, puis il trippe. Puis tu sais, il y a vraiment un côté white trash là-dedans qui est super le fun. Puis il est allé mettre des commandites de grandes institutions financières internationales sur les automobiles. Fait que tu sais, c'est dans le fond des liens que les gens font pas tout le temps. Parce que tu sais, c'est sûr que tu sais, derrière l'automobile, derrière la fait de rouler, tu sais, il y a toute une structure économique qui est derrière ça. Puis Martin, ben il détourne finalement cette espèce de truc-là qui est quand même badin puis qui est le fun. Puis tu sais, je veux dire, il y a un côté, justement, tu sais, petit gars, tu t'en vas faire des starts avec ton char, tu sais. Puis Martin, ben il y a une critique de ça, puis en même temps, on sent que c'est un gars qui est pas insensible au côté ludique de cette chose-là. Fait que tu sais, il en rit, mais... Il nous met en pleine face en nous faisant rire, tu sais, ces liens-là qu'on voit pas toujours. Puis la scène est vraiment bien faite dans la salle où c'est présenté. Puis il y a des œuvres picturales aussi à côté de ça où il y a littéralement comme brûlé des plaques de métal sur lesquelles il y a une map monde. Fait qu'il y a vraiment comme plusieurs niveaux de lecture là-dessus, puis c'est vraiment impressionnant cette chose-là. Puis ça, c'est une des œuvres qui est présentée là-bas, mais vraiment, là, je vous dis, allez faire un tour du côté de l'espace 400e, c'est vraiment c'est une super belle visite, puis c'est ça, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des guides partout. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir cette espèce de lien-là avec les œuvres via les guides qui sont sur place. Puis un petit magasin aussi, fait que comme les petits souvenirs, on aime ça quand on va dans des musées, là, comme finir notre visite par la boutique souvenirs, ben il y en a une là aussi. Puis d'ailleurs, le livre, le catalogue de la manif est absolument superbe. C'est un magnifique travail qui a été fait en collaboration avec la manif puis Paquebot Design. Là, ils ont réussi quelque chose de très bien. Là, le graphisme est vraiment réussi. Puis le contenu aussi est magnifique. Là. Fait que, ça permet vraiment de continuer la visite, de passer par dans la petite boutique. Ouais. Et d'en garder un souvenir. Ouais. Mathieu Dugal, porte-parole de la Manif d'art, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on te suit dans tes projets. Ouais. Puis j'espère que la Manif va me réinviter à m'amener. Peut-être pas comme porte-parole, il faut que ça change année après année, mais je vais toujours répondre présent pour participer à ces activités-là. C'est vraiment un organisme puis une manifestation qu'il faut encourager ici à Québec. C'est super important pour la vie de Québec, mais aussi la vie culturelle en général au Québec. Alors, je dis aux gens, venez faire un tour. Il y a 35 lieux. C'est énorme. Là. C'est la ville, il va y avoir de l'art contemporain partout. Puis, il faut souligner le travail de ces gens-là. C'est énorme là, ce qu'ils font. Là. Puis, faut vraiment souligner ce qu'ils font. Ils ramènent de la beauté puis ils ramènent de la réflexion dans notre ville. Fait qu'on va pas bouder ça maintenant. Non, on passe pas à côté. On passe pas à côté. On lance l'invitation fortement. Mm-hmm, on vous tire même par la main. Ouais, voilà, ouais, venez à la manif. Ben, merci beaucoup, Mathieu Dugal. Ça fait plaisir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. C'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 12 mai 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, finale de la saison 2013-2014. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Les productions Limoilou en vrac et Première Ovation Musique vous présentent l'événement Rendez-vous musical première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5 $ incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardo. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Belle dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. en partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. Chaque lundi, 18h30, Maison thaïlandaise est heureuse de commanditer l'émission « Les bouquins d'abord », animée par Barbel Rink. Du livre papier au livre numérique, « Les bouquins d'abord », c'est pour les bibliophiles enthousiastes en vous. Maison thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Trois adresses pour vous accueillir. Au 3, boulevard René-Lévesque Est, à Québec, coin de Salaberry. 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Manif d'art 7, en collaboration avec CKRL, vous présente l'aérospatiale en direct de l'espace 400e Bell. Voilà, donc de retour à l'aérospatiale spéciale Manif d'art. On entame notre dernière demi-heure. L'émission se termine à 14h. Et pour entamer cette dernière partie, j'accueille Fanny Hénon-Lévy. Bonjour. Bonjour, Julie. Fanny, t'es venue faire un tour ici à l'espace 400e. T'as fait le tour de l'exposition centrale. Pour rappeler un peu le lieu, c'est le lieu central de l'événement, de la manif, l'espace 400e situé au Vieux-Port. Et il y a 13 artistes en tout qui sont exposés ici. Et on est accueillis dans le début du parcours par de grandes sculptures à l'entrée de Jarod Charzybski. J'espère que j'abîme pas trop son nom, qui est un artiste américain de Charleston. Et ces machine gunners, qui sont les mitrailleurs, c'est moi ce qui m'a happé dès le départ, avant de rentrer même dans le bâtiment. C'est ce qui vous accueille, puis c'est aussi avec ça que se termine l'expo. Donc ça boucle la boucle. Et c'est un travail qui est assez impressionnant. Tant par sa corporalité, parce que les sculptures sont quand même assez monumentales, elles font plus de 2 mètres, il y a 3 sculptures, et elles ont été faites à partir de livres accumulés et récupérés de lieux qui se débarrassaient de leurs livres parce qu'ils numérisaient, parce qu'ils ils en voulaient plus. À un moment donné, l'accumulation d'objets compulsifs, ça a ses limites, et c'est là-dessus précisément que Jarod pense son installation, et donc il fait ses sculptures à partir de ces livres-là. Évidemment, il y a du métal et il y a des socles en contreplaqué. Et il y a évidemment, tu sais, c'est très frappant. C'est des soldats. Il reprend l'image du soldat de plomb, la gestuelle, et à la fois, on est habitué à voir ces images dans les médias. Donc, t'as comme le double. T'es très impressionné. Et puis, bon, bah, tu passes devant cette image qui devient une image commune, ouais. De guerre, vue dans les journaux, vue à la télé. Donc, il y a une réflexion là-dessus assez forte. Ça, c'est un de mes artistes phares. Je ne peux pas passer à côté de l'installation de Martin Bureau. Je t'en ai parlé hier. J'étais très, très impressionnée par cette installation-là, qui est une installation vidéo avec deux grandes peintures circulaires qui sont assez monumentales, elles aussi très, très bien éclairées. Oui, on en parlait avant ta chronique. En fait, faut dire que la pièce est quand même là dans, c'est assez sombre, puis il y a cet éclairage très fort qui a vraiment un impact impressionnant en fait sur les œuvres. On en est presque aveuglé là sur le coup, tellement c'est. T'es pris dans cette installation. Ce qui est intéressant, c'est que t'as la trame sonore qui joue un rôle très important, qui a été mixée par Éric Dorion. et qui mixe des sons donc ça se passe juste à Saint-Cyprien. C'est ça, au festival Saint-Cyprien Toasté. Et c'est des 8 infinis. Alors t'as un gros plan, t'as une projection sur des capots de voitures peints en blanc. Et c'est des voitures, tu vois, des gros plans de voitures qui font des super 8 à l'infini. Des chauds-boucanes, là, carrément, là. Ouais, ben t'as beaucoup d'ironie, t'as de l'amertume là-dedans parce que évidemment t'as ces grandes toiles au fond qui sont des map-mondes complètement désolés, une espèce de paysage qui s'est éloigné beaucoup du naturel de ce que peut représenter la Terre. On voit toutes les villes, en fait, les agglomérations, donc c'est assez... un impact visuel. Ben, puis les peintures sont tapées, sont frappées. Il y a quelque chose qui est complètement du paysage désolé et de la dénaturation. Puis et puis tu retrouves cette cohérence là dans le vidéo. Il y a quelque chose de complètement surnaturel de faire des shows de boucan. On est dans le consumérisme, on est dans le superficiel absolu. Et Martin Bureau, fidèle à sa critique et à son engagement et son regard sur le monde, nous donne à voir ça. Donc c'est une installation qui est très intéressante. C'est intéressant aussi parce que on en parle là, sur le cartel, mais normalement les gens qui vont financer ces voitures-là, qui sont des voitures vraiment banales, ça va être la coiffeuse, le chèque à patates, etc. Mais lui a fait financer sa voiture par des grandes institutions financières. Ah ouais, tout à fait. Et là, c'est comme le show de boucan finalement de ces institutions-là, mais derrière. Ah ouais, mais c'est les gros. Là, mais ça en dit beaucoup aussi. T'es dans un monde qui est mené du bout des doigts par quelques gros. Et évidemment, ils dénoncent ça aussi. Il y a énormément de couches dans ce travail-là. On pourra pas rentrer dans le détail de cette installation-là, mais prendre le temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand je parlais de la trame sonore, le mélange entre les bruits de grincement de pneus et la musique classique, qui est comme une mélodie qui rentre de façon très naturelle dans le corps et qui est très lancinante, qui est très récurrente, et ce crissement de pneus qui te rentre aussi dans le corps, mais on s'éloigne complètement du naturel, vraiment, dans toute l'installation, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, et en même temps, on regarde ça, on se dit bon ok, mais c'est en même temps c'est notre quotidien, c'est vrai que c'est ça qu'on vit et en tout cas voilà. ça marche très bien. Il y a l'installation de Jean-Robert Drouillard qui m'a énormément plu, aussi, qui est vraiment au début du premier étage, au début. Quand on sort de l'ascenseur. Exactement. En fait. On sort de l'ascenseur et là on se retrouve en présence d'une série de sculptures en bois à taille humaine, et ça s'appelle Des hélicos sur l'île aux fleuries. C'est très très réussi, surtout que quand on sort de l'ascenseur, donc il y a un personnage qui tend la main comme ça devant nous, puis sur le coup on fait le saut. En tout cas moi c'est ça que ça m'a fait, puis j'avais été avertie, je savais qu'il y avait cette sculpture-là à la sortie de l'ascenseur, puis j'ai quand même eu un sursaut de « oh ok, c'est beau ». Tu sais, déjà, il y a comme une réaction, je trouve. Mais ce que je trouve frappant dans ces sculptures, c'est qu'elles sont à la fois réalistes et à la fois c'est sculpté, c'est approximatif quand même. C'est vraiment la patte de l'artiste. Mais en même temps, la présence est extrêmement forte. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance de la visiter seule et de me retrouver en face à face avec ces personnes, ces personnages, ces sculptures. Et réellement, la présence était là. Je me sentais regardée. Je me sentais plus seule. Donc, ça marche très, très bien. Puis, évidemment, ils sont habillés à dos avec les codes actuels. Donc, Avec les masques à gaz, avec aussi donc des voiles, là, mais le visage caché, ils ont l'air dans une manifestation aussi. Oui, il y a pas mal de codes effectivement qui rappellent aussi la révolte, puis le cri étouffé, donc c'est qui est lié à la jeunesse et qui est et qui retentit dans toute la société. J'ai envie de dire que, pour conclure, que l'intégralité du parcours, là j'ai cité quelques artistes, mais il y a une très belle cohérence, ça se fait de façon très fluide. Oui, il y a 13 artistes, mais j'ai trouvé que l'espace 400e était à la fois chargé de contenu, mais c'est très fluide, ouais, à regarder. C'est aéré, en fait. Très hein, parce aéré. Parce que déjà, le hall est utilisé dans la manif d'art 6, on ne l'avait pas utilisé, donc c'est vraiment une utilisation différente aussi là, de l'espace 400e qui est ouais, intéressant. Oui, tout à fait. Ça marque le ton. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'installation de Jarod, parce que ça marque le ton et tu quittes avec cette image-là aussi. C'est très fort sur la thématique de la résistance. Voilà. Ben Fanny Hénon-Lévy, merci beaucoup. Merci à toi. On aura certainement l'occasion de rediscuter ensemble de la manif. Je me tourne encore une fois vers Simon Roy. C'est ta dernière sélection audio, Simon? Oui, j'ai choisi donc une pièce d'Éric Dorion, le commissaire de l'événement Guérilla Unie par le bruit qui va se dérouler au Cercle du 28 au 31 mai. C'est une pièce tirée de son album Durk Land. C'est à partir d'enregistrement de Symphonie de Beethoven, mais repris donc à la façon Éric Dorion. Donc c'est ça, c'est la pièce s'intitule La joie à travers la souffrance. Peut-être une pièce un peu plus douce de ce qu'on est habitué d'Éric Dorion. Une belle découverte à faire. C'était un extrait d'une pièce Éric Dorion, donc commissaire de l'événement Guérilla tous unis par le bruit qui aura lieu en fin de manif, je crois, du 28 au 31 mai au sous-sol du Cercle. On aura certainement l'occasion de vous en reparler d'ici là. Mais là, pour l'instant, on fait un petit tour dans l'esprit, on fait un petit tour à regard, puisque Marie-France Légaré présente La résistance à l'uniformisation. Bonjour Marie-France. Bonjour. Est-ce que c'est possible peut-être de nous présenter un peu de manière générale le projet, l'installation question? Oui. Mais dans l'espace, la façon que ça se présente, là, c'est 16 sculptures que j'ai faites. C'est des moulages à partir d'un crâne. Et c'est toujours à partir de la même matrice que je travaille. Et chacun des crânes est investi différemment. Et dans les crânes, j'ai intégré des dispositifs sonores qui suggèrent des murmures ou des pensées qui peuvent traverser l'esprit de ces crânes-là. Alors, c'est un travail, c'est un processus pour moi. Là, tu sais, je suis dans ce travail-là depuis peut-être 2011. Puis, c'est important pour moi de travailler dans le processus et non pas d'aller faire un travail, paf, pour atteindre un résultat puis de passer à d'autres choses après. Tu sais, je suis toujours dans une espèce de transfert, là, tu sais. Un processus évolutif, ouais, finalement, parce que dans la programmation de la manif, on parle de casque-crâne aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc, ils ont été utilisés depuis 2011, mais là, cette fois-ci, il y a la dimension audio qui n'était pas là. Exactement. Qui n'était pas là avant, donc qui est une primeur, finalement, pour la manif. Oui, c'est ça. Résistance à l'uniformisation, mm-hmm. donc le titre hein, est tout à fait en lien avec la manif. Ouais. Elle s'incarne comment, selon toi, l'uniformisation? Dans mon travail? Ouais, ou okay. t'sais, quel regard est-ce que tu poses okay. Sur cette dernière? Ben en fait, la question d'uniformisation, c'est sûr que moi, étant donné que je travaille sur la variation, sur la forme à partir d'une matrice, il y a quelque chose en lien avec la fabrication des objets en série. L'uniformisation toujours avec la même forme, mais c'est sûr que j'y apporte toujours une intervention qui fait qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et en lien directement avec ce projet-là, c'est que aussi ce que je dois dire, c'est que dans la façon que le montage sonore a été fait, il y avait une thématique qui était proposée aux gens que j'ai invités à participer. C'était de faire des to-do lists, des listes de tâches à accomplir ou des énumérations. Et ça, c'est suite à une réflexion que j'ai eue après avoir lu un livre d'Anna Arendt sur la banalité du mal, qui était un ouvrage que l'a fait suite au procès de Eichmann. Eichmann étant le responsable de la logistique de l'extermination des Juifs, c'est-à-dire c'est lui qui faisait la logistique de tel train arrive de tel endroit, va déposer des gens dans tel camp. Comme le chef d'orchestre, c'est comme d'extermination, ouais, tu sais. Puis à un moment donné, je suis tombée sur la to-do list de cet homme-là, et c'était frappant de voir à quel point la logistique de ces chambres à gaz-là et ce travail-là s'entremêler avec les petites banalités de sa vie, de passer chez le tailleur, chercher des vêtements, d'acheter un cadeau d'anniversaire pour quelqu'un. Tu sais, c'était tout au même niveau, tu sais. Et puis c'est aussi, c'est sûr que j'avais en tête un peu la réflexion que Anna Arendt avait. Elle, ça l'avait tellement frappée quand elle avait vu cet homme-là dans le box des accusés, à quel point c'était pas honnête, monstrueux. C'était quelqu'un de bien ordinaire, qui était assis là, qui racontait que lui, son travail dans la vie, c'était ça. Puis c'est pour ça qu'il avait établi, tu sais, ce genre de logistique là dans le fond, tu sais. Puis moi, je me suis posé la question, est-ce que on n'est pas à l'abri de ça, personne? C'est comme une espèce d'absence de pensée qui s'est installée dans l'esprit de cette personne là une justification parce qu'on c'est suit les ordres, c'est tout, c'est ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire ça, tu sais? Est-ce que moi je pourrais échapper à ça? Puis sincèrement, je pense qu'il y a on n'est pas protégé de ça, personne. Puis je pense que l'uniformisation puis la standardisation dans laquelle on est maintenant, puis dans laquelle on a déjà aussi été à d'autres époques, mais maintenant c'est encore pire, je trouve. Mais il faut se méfier de ça, tu sais. Il faut faire attention à ça. Et ben, je pense que ça peut être quelque chose de très, très, très sournois qui s'installe. Puis c'est comme juste une lumière au tableau de bord, là, tu sais, que j'ose espérer qu'il peut s'allumer, là, tu sais. C'est une proposition, dans le fond, de dire, attention, tu sais. Ouais. Tombons pas dans ce genre de facilité, de confort, de dire, ah, ben, tu sais, dans le fond, on va s'acheter des meubles, ben, on va chez IKEA, on s'achète tout le même kit, puis on le monte, puis on se pose pas de questions, parce qu'on l'a trouvé beau chez quelqu'un d'autre, mais on va l'adapter à nous, puis, tu sais, je trouve que c'est anti-créateur. Ouais. Puis, des fois, je pense à, ça vaut la peine de faire l'effort de pousser les choses un petit peu plus loin, là, tu sais, dans nos façons de consommer, puis des choix qu'on fait au quotidien aussi. T'sais, l'uniformisation, visuellement, dans l'exposition, on le voit, les casques, donc, tous sous le même modèle, le même moule. Bon, il y en a qui sont en faïence, il y en a d'autres qui sont en plastique, mais bon, disposés comme à la même hauteur, c'est ça. On a vraiment l'impression que la couleur vient des listes. Tu disais que tu as demandé, donc, à toutes sorte de... Je pense qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont, qui ont répondu 48. À l'appel, qui ont fait des listes. Des fois, c'est des listes un peu plus farfelues. Il y a quelque chose de poétique. Il y a quelque chose de beau. Des fois, c'est banal, c'est quotidien. Puis on sent la créativité aussi chez les gens. C'est fou. Derrière tous ces casques en apparence identiques. Mais je peux, parce que moi, je pouvais pas croire que, en fait, il y a deux choses. Moi, quand j'ai proposé ça aux gens, moi, je savais que c'était pour la manif, puis je connaissais le thème. Mais je voulais pas dire aux gens que c'était sous le thème de la résistance. Parce que je me disais, ben là, tout le monde va tomber dans le même discours, puis je veux pas. T'sais. Je vais prouver quelque chose que je veux éviter. Je voulais me rassurer, je pense, dans le fond, puis j'ai vraiment été servie là-dessus, parce que, tu sais, j'en reviens pas comment les gens ont été créatifs dans ce qu'ils ont fait, puis... Ça me soulage, tu sais, de voir ça. C'est sûr que c'est tous des gens de mon entourage, là. Mais vraiment, j'ai pas dit à personne, toi, tu vas parler de ci ou de ça. Tu sais, les gens ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Puis, c'est ça. Je trouve ça le fun de voir à quel point les gens ont été créatifs. Fait que, tu sais, mon inquiétude de tantôt de dire, est-ce qu'on n'est pas à l'abri de ça, cette façon, des fois, de tomber dans la banalité du mal, entre guillemets, sans vouloir dramatiser. Mais je pense qu'il y a un petit filet de sécurité plus solide que je pensais, là, dans l'esprit des gens, puis tant mieux, là, tu sais, en tout cas. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, bon, t'as demandé aux gens de murmurer. Oui. Et là, nous, on doit s'approcher, hein, parce que le regard, c'est grand, c'est court, donc on doit s'approcher des casques, des œuvres, finalement, pour écouter ce que les gens ont à dire. Puis ça, je trouve ça intéressant d'amener une intimité entre le spectateur et l'œuvre, mais aussi entre le spectateur et la personne qui a fait la liste. C'est vrai, ça. Est-ce que c'était volontaire, justement, de créer cette intimité-là? Oui. Puis, tu sais, même ce matin, il y a des gens qui me disaient, mets le volume plus fort. Puis, tu sais, bon, OK, je l'ai faite, là, mais, tu sais, moi, je trouvais ça important que les gens puissent s'approcher de l'œuvre, puis qu'il y ait vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de leur dire un secret à l'oreille, qui est en train de murmurer quelque chose, tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de bien, bien, bien enveloppant là-dedans. Puis, il y a comme une trêve entre humains aussi, ou, en tout cas, vers l'autre, tu sais, c'est d'aller vers l'autre, même si c'est une programmation enregistrée. Je veux dire, c'est la personne qui l'a murmuré, quand elle l'a fait pour moi dans mon appareil, dans mon petite enregistreuse, mais cette intimité-là, je voulais qu'elle se sente aussi envers les inconnus qui se promènent, là, tu sais, dans la galerie, là. Je trouvais ça important. Puis je trouve que ça donne un aspect précieux aussi à chacune de ces personnes-là, puis à chacun de leurs propos. Tu sais, il y a quelque chose de sacré aussi, d'une certaine manière. Au fond, à droite, il y a donc une grande table, on dirait presque un buffet, hein, fait sur la table avec les casques, comme ça, tout est disposé. Les murs sont noirs, c'est une table en bois, les casques sont blancs. C'est ce que tu appelles ta polyphonie de voix. De murmure, oui. Mais en fait, c'est ça, tous les casques qui sont sur les murs, ça, c'est des voix individuelles qui tournent en boucle. Et sur la table, c'est une polyphonie, c'est-à-dire que c'est comme un montage sonore que j'ai fait, que j'ai tenté de composer comme on aurait composé une musique, là, en intégrant toujours à peu près 3-4 voix maximum, parce que je voulais que ça demeure intelligible. Donc, il y avait des propos des fois que je trouvais qui correspondaient bien, qui allaient bien ensemble, puis c'est comme ça que je les ai mixés. Parfois, c'est juste le hasard, des fois, c'est juste le rythme, parce que des fois, il y a des gens qui laissent des silences, donc... J'y allais, comme j'alternais d'une voix à l'autre, en profitant du silence de une pour intégrer la voix de l'autre, là, de cette façon-là. Ça, c'était beaucoup inspiré de The Ideas of North, que Glenn Gould a déjà fait, une émission de radio de cette façon-là, puis je trouve ça vraiment fascinant. Il proposait un thème à des gens, puis des scientifiques, peu importe, des gens de toutes sortes d'allégeances, puis il passait l'entrevue, mais avec les trois voix ou les quatre voix synchronisées en même temps. Puis pour lui qui était compositeur, musicien surtout, ben, c'était comme une façon de je sais pas trop, de rendre les propos, il les utilisait dans le fond comme une composition musicale. Puis je trouve ça fascinant. Puis il y a aussi évidemment Les ailes du désir de Wim Wenders qui a beaucoup, beaucoup été pour moi une source d'inspiration là en ce qui a trait au murmure ou... ce film-là, quand au début du film, tu sais, il y a des espèces de personnages qui sont dans des lieux publics, qui sont capables d'entendre ce qui se passe dans l'esprit des gens, Puis c'est comme des sortes d'anges, on peut dire. Puis c'est comme leur simple présence auprès des gens qui ont des pensées fait que ils sont, les gens s'apaisent, tu sais, ouais. de ce qui les préoccupe. Alors, c'était inspiré de ça aussi, là. En terminant, j'ai envie de parler de l'aspect visuel de l'installation. Bon, la répétition, on a parlé là, des casques crânes, tous blancs, la façon dont c'est disposé sur les murs. Donc, on a le blanc, on a le noir du mur, on a quelques fils rouges comme ça. Il y a vraiment un caractère minimal aussi à l'installation. Pourquoi? Pour laisser plus de place à la réflexion, aux propos? J'étais un petit peu vraiment j'attache beaucoup d'importance à l'esthétisme là, ça c'est sûr. Puis j'ai toujours été aussi j'ai toujours travaillé dans des métiers très très très techniques aussi. Puis moi je suis mécanicienne en orthèse prothèse, puis j'ai intégré beaucoup de composantes, c'est très clinique là le travail que je fais, puis c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Donc j'ai beaucoup intégré des composantes que j'ai récupérées d'appareils orthopédiques, tout ça. Oui, laisser une place à la réflexion, mais en même temps peut-être pas tant que ça, parce que je trouve sincèrement qu'il y a certains casques qui sont très investis là, comme je l'ai jamais fait, parce que moi, il y a des choses que j'ai faites in situ ici, là. J'avais pas tout complété déjà de Montréal. Puis il y en a que je trouve sur lesquelles j'ai exagéré pas mal, là, tu sais, en intégrant des choses. Fait que, il y a comme un petit délire de quincaillerie, là, sur certaines pièces, là. Mais, par rapport au concept, je pense que c'est quelque chose d'inné, là. Tu sais, c'est toujours une esthétique que j'ai privilégiée. Puis, j'aime donner de la valeur à ces objets-là, même si j'essaie d'intégrer le son pour me débarrasser de la matérialité. Là, je trouve que je suis en contradiction, mais pour moi, c'est important aussi d'aller vers les choses qui me forcent, tu sais, à pousser ailleurs, justement, de pas toujours me complaire dans ce dans quoi je suis bien, là, tu sais. Je veux me pousser à aller ailleurs aussi, là, pas rester seulement dans la belle matérialité, là. Voilà. Et sur ces mots, Marie-France Légaré, c'est déjà tout. OK. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. La résistance à l'uniformisation est présentée à Regard jusqu'au 1er juin. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie Simon Roy pour ses suggestions audio. Donc, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Je remercie Thibault et Frédéric aussi à la mise en onde ici directement de l'espace 400e. Et avant de quitter, ben, je vous invite, hein, vous savez, aujourd'hui, c'est le parcours inaugural de la manif d'art. Donc, les vernissages jusqu'à 21h. C'est un feu roulant de vernissage. Donc, si vous voulez savoir où, quand aller, vous pouvez aller sur le site manifdart.org. Également, cet après-midi, au lieu, à 14h50, il y a la performance de Regina José Galindo. À 16h30, barbecue inaugural présenté par l'Affaire et Ketchup à l'espace 400e. 18h15, une performance de Julie-André T. À 20h, il y a le spectacle de danse noire à la salle multi de Méduse. Et à 21h30, c'est la performance parcours déambulatoire, le marché des zombies, des fermières obsédées. Donc, le départ est au coin des rues Dupont et Saint-Joseph. Et finalement, ben, à 22h30 ce soir au Cercle, c'est le party d'ouverture de la Manif d'art. Donc, une belle journée bien chargée. Sur ce, ben, je vous laisse vaquer à vos occupations, à écouter CKRL aussi. Voilà. Donc, Julie Gagné, ça a été un plaisir d'être avec vous. Cette émission vous a été présentée en direct de l'espace 400e Bell par la Manif d'art 7 en collaboration avec CKRL. La Manif d'art 7 prend vos sens d'assaut et vous invite à participer aux nombreuses activités qui évoluent autour du thème résistance, et puis nous avons construit de nouvelles formes. Pendant un mois, découvrez le travail de plus de 120 artistes partout à Québec. Le samedi 3 mai de midi à 14h et les samedis 10, 17, 24 dès 13h, Julie Gagné et l'équipe de l'aérospatiale vous donnent rendez-vous à l'espace 400e Bell, lieu central de la Manif d'art 7 et en direct sur nos ondes. Entrevues, chroniques, discussions, un regard en profondeur sur les activités et expositions de cet événement incontournable de l'art actuel. Programmation complète sur manifdart.org.